La nuit, une nuit douce avant une nouvelle journée de pleine chaleur, 27 à 32 degrés demain encore prévu. Et puis des nuages aussi bien présents du côté de la frontière française à partir de jeudi. On surveillera d'ailleurs une zone de pluie et d'orage qui va remonter de la France et qui pourrait nous atteindre en soirée. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Record battu pour un 13 septembre, la barre des 30 degrés est dépassée. Dans les écoles, pas facile de se concentrer aujourd'hui. Il fait beaucoup chaud et alors des fois je transpire et j'aime pas beaucoup transpirer. Oui, les petits et les grands ont sué sur leurs cours aujourd'hui. Les profs, heureusement, se sont montrés tolérants. Un temps superbe pour aller à la mer du Nord où vous risquez d'apercevoir des dauphins. Ils sont de plus en plus nombreux dans nos contrées. Êtes-vous stressé au travail? Une personne sur trois est déjà stressée par le trajet lorsqu'elle prend la voiture. Une personne sur quatre stressée quand elle prend le train. On essaiera de voir comment lutter contre ce type de stress en appelant une coach en développement. La police hollandaise embauche. Elle embauche des aigles. Ils l'aideront à chasser les drones intempestifs. La Ligue des Champions ce soir est 8 premières rencontres. Manchester City, par exemple, reçoit les Allemands de Mönchengladbach. Le journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Ça y est donc, record battu, on a passé les 30 degrés en Belgique. Et pour un 13 septembre, c'est du jamais vu depuis qu'on mesure les températures en Belgique. Et ce record sera encore battu demain. Alors, comment gère-t-on l'été dans les écoles en septembre? Supprime-t-on les tests à la course en gymnastique? Tolère-t-on les shorts? Pour le savoir, Christine Borowiak et Natacha Mann sont retournées ce matin sur les bancs de l'école. Monsieur Carlo est l'instituteur des 5e primaires dans cette école communale de Courcelles. Face à cette chaleur inattendue, il a dû innover. J'ai amené de la maison deux ventilateurs. J'ai conseillé aux enfants de venir avec beaucoup d'eau aujourd'hui. Les enfants, eux, ont bien du mal. Il fait beaucoup chaud et alors des fois je transpire et j'aime pas beaucoup transpirer. Du coup, Carlo Marini a adapté le cours. Plutôt que de voir de la matière qui demande beaucoup de réflexion, on fait un petit exercice et puis on s'arrête, on va dehors, on bouge un petit peu et puis après on discutera, on fera du savoir parler. Les femmes de 16 à 17 ans... Dans le secondaire, ça n'est pas mieux. Les rétos de l'Athénée provincial de Chapelle-Lerlémont n'en peuvent plus. Les tentures sont pas très épaisses. Du coup, le soleil tape et nous, on crève de chaud. On a plus dur à se concentrer. Envie de sortir, ouais, et on n'a pas envie de travailler, quoi. Yeter Kovac, leur professeur d'économie, fait ce qu'elle peut. Les fenêtres sont ouvertes, la porte est ouverte. Et vous entendez les bruits de l'extérieur? Bien sûr, c'est un peu dérangeant. Les élèves aiment ça parce qu'ils sont un peu curieux, donc... Déconcentrés. Tout à fait, bien sûr. Ici, le règlement intérieur a été adapté, nous explique Philippe Karboviak, éducateur. On se montre bien entendu plus souple par rapport à la tenue vestimentaire. Ça veut dire quoi, les jeunes qui viennent en short, par exemple, vous acceptez? Bermuda. Allez, Bermuda ou petite jupe, profitons-en tant que ça durera. Et notez que le mois d'août était déjà le plus chaud depuis 1936 ans. Et ça, ce sont les statistiques de la NASA qui le disent. Ça concerne donc la planète dans son ensemble. Alors, est-ce la raison pour laquelle on aperçoit des dauphins à la mer du Nord? Pas vraiment. Les dauphins à la mer du Nord, ça reste surprenant. Dimanche, des plongeurs en ont vu deux, des dauphins de 4 mètres de long. Et à Ostende, on n'en revient toujours pas. Sophie Merghem et Ariane Dufresne l'ont constaté cet après-midi. Du soleil, des vagues et des dauphins. Et oui, nous sommes bien à la mer du Nord, que le croient ou non les touristes. Je ne savais pas qu'il y avait des dauphins dans la mer, donc vous me l'apprenez, quoi. Chez nous, mais c'est plutôt les pandas, quoi. Ici, à la mer, mais c'est des dauphins. Bon, vaut mieux ça qu'un requin, hein. C'est bien pour la nature. S'ils ont choisi de venir en mer du Nord, c'est qu'ils y sont bien. En effet, si les dauphins continuent à venir le long de nos côtes, c'est peut-être grâce à une baisse de la pollution des eaux. Yann Alters, chercheur à l'Institut Royal des Sciences Naturelles. Il y a 80 ans, le marsouin était commun à la côte. L'animal a disparu à cause, on ne sait pas de quoi, peut-être la pollution ou un manque de nourriture. Maintenant, dès les années 90, on en voit de plus en plus. Et si vous avez la chance d'en voir, restez tout de même sur vos gardes. Si le dauphin aime nager avec les hommes, il peut devenir agressif une fois que vous quittez l'eau. Avec jusque 4 mètres de long et 400 kilos, mieux vaut prévenir que guérir. La mer qui connaît donc pas mal d'affluence ces jours-ci. Les étudiants du supérieur, les aînés profitent des derniers jours avec, malheureusement, vous le disiez hier, l'interdiction de se baigner en pas mal d'endroits en l'absence de sauveteurs. Bientôt la reprise chez Caterpillar. Oui, l'usine est à l'arrêt depuis le 2 septembre, depuis l'annonce de la fermeture du site à l'horizon d'avril 2017. Eh bien, la production pourrait reprendre. Les travailleurs apparemment le souhaitent. La décision sera prise demain en Assemblée Générale. Et on a appris aujourd'hui que la direction de Caterpillar refusait toujours de se présenter devant les commissions de la Chambre. La direction se retranche derrière la procédure de la loi Renault pour refuser cette convocation. Et comme il ne s'agit pas d'une commission d'enquête, les parlementaires n'ont pas le pouvoir d'exiger la présence de la direction. Ce coup dur à nouveau dans le secteur des assurances. Le groupe PV a annoncé aujourd'hui la suppression de 300 emplois dans les 4 ans qui viennent. PNV emploie 1700 personnes, veut aussi revoir les conditions salariales des employés pour être plus efficace à l'avenir. Les syndicats espèrent que les départs s'organiseront de manière cordiale. Vous êtes peut-être stressé en allant et en revenant du boulot. Un conducteur sur 3 est stressé, un utilisateur du train sur 4. Ce qui pose problème, c'est pas tant la durée du trajet que son côté imprévisible. C'est le résultat d'une enquête menée par le bureau Sécurex. Ne pas pouvoir planifier son temps de trajet, que ce soit en voiture ou en transport en commun, eh bien cela mine les navetteurs. Alors, on ne peut pas tous aller travailler à vélo ou à pied. Comment faire pour tenter de trouver des solutions? Avec nous, Joëlle Hyland, elle est conseillère en développement personnel, diplômée de l'Université de Liège. Bonsoir. Bonsoir. Donc comment on peut faire pour limiter le stress? Parlons d'abord de la voiture, si vous voulez bien. Des huiles essentielles, de la musique zen, ça peut aider dans la voiture? Ça pourrait aider. En fait, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'on anticipe sur une possibilité que le trajet se passe mal. Et c'est ça qui fait qu'on est stressé, soit sur une expérience passée, soit sur le trajet qu'on imagine. Donc on peut, par exemple, essayer de visualiser de façon positive et d'imaginer que le trajet se passe bien. Ça, c'est déjà une première chose qu'on peut faire. Donc il faut partir du bon pied, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui est très important aussi, avant de partir, donc si c'est le matin, c'est d'avoir un sommeil réparateur, si possible, le jour avant. Puisque si on est en plus fatigué, ça viendra encore s'ajouter au stress et aux conséquences physiques. Si on parle des trains, on n'a pas la main mise sur les feuilles qui encombrent les voies, ça va arriver là en automne, sur le gel des caténaires en hiver, sur les grèves au printemps. Est-ce qu'il y a des solutions aussi pour mieux gérer les trajets en train? Alors pendant le trajet, ce qu'on peut faire, c'est, si c'est possible, essayer de communiquer avec une autre personne, donc se placer peut-être avec quelqu'un qu'on connaît, ou essayer d'engager la conversation. On peut aussi se brancher, écouter une musique agréable ou une émission divertissante, comme ça, ça permet aussi de focaliser son attention sur autre chose. Alors une petite astuce qui marche bien aussi bien en voiture que pour les transports en commun, c'est d'avoir toujours une petite bouteille d'eau à portée de main et de boire régulièrement. Ça aussi, ça permet de déstresser. Donc ça, c'est des astuces qui peuvent servir dans les deux cas. Oui, parce qu'en voiture, on peut aussi faire la route avec quelqu'un. Ce sera plus agréable, on sera moins stressé de façon générale si on a quelqu'un dans la voiture. Du covoiturage, c'est une solution. Oui, bien sûr, parce que là, on aura l'occasion de nouveau de pouvoir engager la communication sur autre chose, donc focaliser sur autre chose que le trajet lui-même. Et d'ailleurs, quand on vit cette expérience, qu'on est accompagné, on se rend compte que le trajet paraît beaucoup plus court, mais c'est tout à fait subjectif, mais le trajet paraît beaucoup plus agréable et plus court. Merci Joëlle Hyland. Je rappelle que vous êtes conseillère en développement personnel. Notez que l'enquête démontre aussi que le trajet, ça peut être une bonne chose pour décompresser entre les soucis de la famille et le boulot, ou l'inverse. À cette heure-ci, c'est plutôt l'inverse, entre les soucis du boulot et la vie de famille qui reprend. Moi, je pense, sans vouloir faire de la pub, mais que le mieux à faire, c'est d'écouter le 5 à 7. Elle a dit qu'on pouvait le faire. C'est très bien, continuez à le faire. Souffrir d'un excès de cholestérol peut être génétique. Oui, on pointe souvent les graisses, l'alimentation en général, mais cet excès de cholestérol peut être dû à des causes internes. Même les enfants peuvent en être victimes. Ça s'appelle l'hypercholestérolémie familiale. Une association de patients, un médecin soutenu par des firmes pharmaceutiques, ont décidé de médiatiser ce sujet, Odile Lehert. Marie a 21 ans. Elle souffre d'hypercholestérolémie familiale. C'est une maladie génétique sans réels symptômes au quotidien, mais qui peut provoquer des maladies cardiovasculaires dans le futur. J'étais diagnostiquée très jeune, parce que donc ma maman, mon frère et ma grand-mère ont l'hypercholestérolémie familiale. Diagnostiquée toute petite, elle ne prend des médicaments que depuis 2 ans, mais son discours se veut convaincant. Quelqu'un qui est atteint d'hypercholestérolémie familiale, hormonal doit en plus vraiment prendre des médicaments. Donc l'alimentation ne suffit pas à faire baisser le taux puisque c'est génétique. Je prends un traitement continu. Le docteur Olivier Descamps plaide également pour la prise de statine. Traiter très tôt, ça va permettre d'éviter les maladies cardiaques qui peuvent commencer déjà vers 25-30 ans. Donc c'est un challenge de commencer relativement tôt. Des statines qui ont des effets secondaires, des douleurs musculaires notamment. Certains pédiatres éviteront donc d'en donner aux enfants. S'il ne faut pas les prendre à la légère, on l'entend, un enfant au taux de cholestérol explosif de 900 ou 2000 ne pourra par contre pas s'en passer, devra parfois même subir une greffe du foie. Pour les taux plus bas, on commencera par un régime en éliminant les graisses, mais aussi en consommant des pommes, par exemple. Avec la peau, la pectine empêche le corps de produire trop de mauvais cholestérol. S'il y a des antécédents familiaux, il convient en tout cas de dépister chez l'enfant cette maladie génétique qui touche 30 000 personnes en Belgique. Nos achats intéressent la police. Si vous allez dans une pharmacie, un magasin de bricots, un magasin de peinture pour acheter des produits qui pourraient aussi servir à la fabrication d'explosifs ou de détonateurs, vous risquez d'être surveillé un peu plus que d'habitude. Les commerçants, en tout cas, doivent être vigilants. Ils doivent signaler les achats suspects. C'est une obligation. S'ils ne font pas, ils seront sanctionnés. C'est exagéré, tonne Koen Stratmans, le secrétaire général francophone de l'association pharmaceutique belge. Aller directement vers une sanction lorsque on aurait omis de signaler un cas suspect, ça nous semble peut-être un pas trop loin. Vraiment sanctionner pour ne pas avoir dénoncé, enfin voilà, on ne peut pas toujours suspecter chaque cas suspect. On n'est pas non plus la police. On va informer et donner le plus que possible d'informations, mais on trouve que la sanction est peut-être un pas trop loin, oui. Des propos recueillis par Romain Bardet. 3 à 7 ans de prison, c'est ce que risquent les deux membres du club de motards Kamikaze Riders. Ils comparaissent devant le tribunal correctionnel à Bruxelles depuis hier. On leur reproche d'avoir participé aux activités d'un groupe terroriste en 2015. 3 à 7 ans de prison, c'est ce que réclame le parquet dans cette affaire. On va parler d'aigles dressés spécialement pour neutraliser des drones. C'est l'idée en tout cas développée aux Pays-Bas. Oui, les drones, vous savez, ces objets volants pilotés à distance, ils sont de plus en plus nombreux. On en a vu survoler des centrales nucléaires ou se rapprocher dangereusement de certains responsables politiques. Bref, ils peuvent être intrusifs, voire malveillants, surtout dans le contexte terroriste qu'on connaît pour l'instant. Alors, les policiers néerlandais ont développé une solution. David Riffon, les premiers aigles spécialement dressés pour neutraliser des drones ont terminé leur formation. Cette scène a fait figure de test grandeur nature. Des dirigeants sont réunis en sommet, le traditionnel ballet des berlines. Soudain, une menace, un drone survole l'endroit. Ni une ni deux, les policiers lancent un aigle. Le rapace se jette sur le drone et l'embarque. Les aigles ont été entraînés plusieurs mois par une société privée. Le rapace considère en fait le drone comme une proie et il essaye d'emmener cette proie dans un endroit qu'il considère comme sûr et il la protège parce que lui, il estime que c'est sa proie. Les exemples de dangers potentiels ne manquent pas, comme l'explique le manager innovation à la police nationale néerlandaise. On rencontre pas mal de situations où on ne peut pas voler, où l'espace aérien est fermé et où un danger peut survenir. Autre exemple, on a déjà vu un hélicoptère médicalisé incapable de se poser pour une intervention car quelqu'un s'amusait avec un drone. Les aigles peuvent ainsi capturer des drones de petite taille. Cette solution pour gérer des objets volants malveillants est suivie de près par l'armée belge. L'OTAN a également lancé une étude et des pays comme la France ou l'Allemagne se montrent déjà très intéressés. En France, un mort, 4 blessés graves sur le Géant des Mers. Le Géant des Mers, c'est le plus grand bateau de croisière du monde. Il faisait escale à Marseille aujourd'hui. Et lors d'un exercice de sécurité, un canot de sauvetage s'est décroché. Il a chuté de 10 mètres. Ce sont des membres de l'équipage qui étaient à bord. L'un d'entre eux est mort. 2 sont entre la vie et la mort. Une bonne nouvelle, une de plus, la 4e médaille pour les Belges aux Paralympiques de Rio. Oui, et celle-ci est en or en plus. Le Belge Peter Gonen vient de gagner le 100 mètres en chaise roulante. L'année dernière, il avait déjà remporté le titre mondial sur la distance reine. L'athlète anversois est handicapé des deux jambes depuis 1993. Il a 39 ans. Il sera de nouveau sur la piste pour le 400 mètres et il vient donc de ramener la 4e médaille à la Belgique, la 3e en or. En sport encore, la phase de groupe de la Ligue des Champions qui commence ce soir. La Ligue des Champions, c'est la compétition compétition européenne. Celui qui l'emporte aura le droit d'embrasser la coupe aux grandes oreilles. Ce sera le 3 juin 2017 à Cardiff. À partir de ce soir, tout le gratin du foot remonte donc sur le terrain avec ce soir 8 rencontres. Parmi les favoris, les Espagnols, bien sûr, même quand ils entraînent des équipes anglaises. C'est le cas de Pep Guardiola, le coach de Manchester City. Il reçoit ce soir les Allemands de Mönchengladbach. Le foot est parfois bizarre. À Manchester United, on l'a gagné. Tout le monde a dit « Waouh, quelle équipe !» Mais ce match, pour le même prix, eh bien, on le perdait. On est loin, très loin de notre meilleur niveau. Et donc, si on veut être compétitif en Premier League et aussi concurrencer les autres dans cette Champions League qui nous tient tant à cœur, on devra jouer beaucoup mieux que ça et encore beaucoup travailler. Pas plus tard que ce soir contre Mönchengladbach, c'est une bonne équipe, courageuse, avec un bon coach et des joueurs parmi les plus techniques en Europe. Si on les laisse jouer, eh bien on va souffrir, je le sais. Je l'ai vécu avec Barcelone, on a fait match nul contre eux et c'est une très bonne équipe. Pep Guardiola, traduit par Eric Libois. Ce soir aussi, PSG Arsenal, Barcelone Atlético, PSV, Atlético, Barcelone Celtic, pardon. Et ce sera bien sûr à suivre sur Vivacité. Bah ça en fait des matchs à suivre quand même. Oui, il y aura du boulot là pour ceux qui aiment ça. Vous aurez votre petit tableau tout à l'heure pour suivre les matchs. Pour parier peut-être. Ah ben aussi peut-être. Je ne suis pas sûr que je vais faire des affaires. Je vais avoir besoin de vous Manu, j'ai une question à vous poser dans un instant. Vous restez dans le coin ? Allez, je reste là pour les titres de toute façon. Parfait, il est 17h16, on part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovis. Ça bloque sur le ring de Bruxelles. Mais ça ralentit, disons, assez fort. Tout à l'heure, un camion était en panne, ce qui a provoqué pas mal de ralentissements. Et ils ont du mal à se résorber, ces ralentissements. Quoique, à l'instant même, je regarde les chiffres, il y a un petit mieux quand même. 36 minutes supplémentaires pour l'extérieur, Zaventem Grand Bigard. Plus 20 minutes pour l'intérieur, Zaventem Carrefour Léonard. Plus 15 pour l'intérieur, Grand Bigard, Zaventem. Et plus 12 pour l'extérieur, Carrefour Léonard, Zaventem. Notez ce camion toujours en panne sur le 411 Bruxelles-Namur à hauteur de Jésus-Seik. La voie de droite est neutralisée dans un bout de sortie en direction de Namur. Des ralentissements dans le chantier entre Arken et Feluy sur le 19 Mons-Bruxelles. C'est plutôt vers Mons que ça ralentit. Vous perdez une petite dizaine de minutes entre Nivelles et Feluy. Et puis le fameux chantier de Charatte sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle. Vers Bruxelles, 10 minutes perdues entre Barchon et Herstal. Vers l'Allemagne, entre Halleur et Charatte, vous en perdez 55. Notez encore ces 15 minutes perdues sur le 17 Gand-Lille entre Requem et Neuville-en-Ferrain en France. Un accident est à signaler également sur le 314 Louvain-Maas-Mechelen à hauteur de Hautalen. Vous perdez un petit quart d'heure en direction de Maas-Mechelen. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein ? Conditions sur pearl.be. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Exactement, le 5 à 7 jusqu'à 19h avec vous toutes, vous tous. On va faire de la radio ensemble ce soir. Je vais vous offrir des cadeaux dans quelques minutes. Et puis on va faire le tour de l'actu aussi. Aujourd'hui, on apprend que les AirPods, vous savez, les nouveaux écouteurs qu'Apple a présentés il y a tout juste une semaine, eh bien, ils seraient nocifs pour la santé. C'est un chercheur en tout cas qui nous dit ça. On essaiera d'y voir un petit peu plus clair parce que vous savez que les iPhones, ça se vend par millions à travers le monde. Forcément, si tout le monde achète des écouteurs qui sont dangereux pour la santé, ça va être un petit problème. On y revient dans quelques minutes. On parlera du championnat d'Europe de baseball aussi. Il se déroule aux Pays-Bas et c'est un championnat auquel participe l'équipe nationale belge. Et oui, on a une équipe nationale de baseball. Ça va peut-être pas, maintenant vous le savez. On aura l'image du jour tout à l'heure, ce sera avant le cactus de Jérôme de Warzé et puis on visitera un musée sans se déplacer. C'est le Muséum des sciences naturelles qui se visite maintenant en ligne grâce à un nouveau système de Google. Alors est-ce que les gens vont encore se déplacer demain dans les musées ou pas ? On s'intéressera à cette question tout à l'heure. Et tant qu'on parle de questions, je voudrais vous poser une question à vous toutes et vous tous cet après-midi. Manu aussi, je vais vous poser cette question. Je me suis rendu compte d'un truc tout à l'heure en allant aux toilettes, parce que oui ça arrive, de temps en temps faut y aller quoi. Non, vous inquiétez pas, il n'y a rien de salace dans ce que je vais dire. Mais j'ai été énervé tout à l'heure parce que je me suis retrouvé dans des toilettes où le rouleau de papier était mis de façon à ce que, vous voyez, il se déroule vers le mur. Et en fait, j'aime pas ça.

Je ne prends pas de risque, même si la conversation devait se prolonger. D'accord. Donc, est-ce que c'est dangereux ou pas, ce Bluetooth? Parce qu'on a entendu que les ondes du téléphone étaient dangereuses. Donc, il fallait prendre un casque sans fil. Et puis maintenant, on nous dit, attention, ce casque sans fil, il est dangereux aussi. Qu'est-ce qu'on fait, professeur? Alors, écoutez, donc, tout ceci concerne des champs électromagnétiques de haute fréquence. Et donc, le point est étudié depuis certainement une dizaine d'années. Et bien entendu, au plan théorique, on peut s'inquiéter de cela. Oui. Dans la réalité des choses, les études déjà publiées n'ont pas montré d'incidence supplémentaire de cancer, puisque c'est une des craintes. Mm-hmm. Un autre point pourrait concerner l'audition, étant la prise aiguë de ces ondes par des appareils Bluetooth et même une utilisation plus chronique n'a pas mis en évidence de modification de l'audition. Donc là, de ce côté-là, on peut être rassuré, on peut les utiliser. Maintenant, est-ce qu'il y a une durée conseillée? Est-ce que si on les met 5 minutes, là on peut entendre, on ne prend peut-être pas de risque. Si on passe la journée avec un casque sur les oreilles, ou en tout cas une oreillette Bluetooth comme beaucoup de professionnels peuvent le faire, est-ce que là, le fait qu'il y ait une liaison permanente, c'est dangereux? On prend plus de risques. Écoutez, donc, comme vous le savez sans doute, actuellement, la médecine scientifique est une médecine qui est basée sur des preuves, c'est-à-dire qu'il faut des études qui correspondent à la définition de ce que vous nous dites et de conclure un risque accru avec preuve à l'appui en ayant des populations qui n'utilisent pas ce type de moyens. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas d'étude qui ait démontré cela. Alors, bien entendu, on peut toujours avancer le principe de précaution, comme on peut l'avancer pour n'importe quoi. Ouais. En particulier, on a pu s'inquiéter de savoir si des cerveaux en cours de développement, c'est-à-dire on fait référence aux enfants, pourraient être plus sensibles à ce type d'onde. Et au plan théorique, effectivement, c'est un élément que l'on peut estimer. Mais à ce jour, il n'y a pas de données scientifiques, en tout cas, qui supportent ce concept d'une vulnérabilité particulière des enfants ou des adolescents. Donc pour le moment, ceci pas de dit, risque, on verra plus tard, c'est ça? On verra plus tard, mais donc on peut imaginer malgré tout que le principe de précaution puisse être de ne pas entraîner les enfants à des expositions exagérées. Eh bien, merci professeur pour vos précisions. On verra dans quelques années si on a plus d'explications. Donc on entend bien ce principe de précaution. Bonne soirée professeur, merci d'avoir été ce soir dans le 5 à 7. Pour la suite ce soir, je vous l'ai dit, des cadeaux. Je vous explique juste après le journal de 17h30 avec quoi vous allez repartir ce soir. Et puis on parlera de sport, des championnats d'Europe de baseball. Ça se passe aux Pays-Bas et notre équipe nationale belge y participe. David Bertrand viendra nous dire tout ça dans un instant. Première chez CGO Center, la nouvelle Seat Ateca. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée? Qu'importe, retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio. Où, quand et comme vous le voulez, sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. Libérez vos envies. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordel d'Askarbeek pour la fête des familles, à l'initiative de la commune de Askarbeek et du gouvernement francophone bruxellois. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour la Polo. Oui. Alors, pour 129 euros par mois, vous avez une Polo. Ok, je la prends. Et donc je vous parle pas de son front assist et son système de freinage d'urgence en ville, de sa radio à écran tactile ou de son verrouillage centralisé, de ses vitres électriques à Non, je connais, je la prends. Ah, c'est décidé. Ah oui, c'est décidé. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 129 euros par mois en location pour particuliers. Infos et conditions sur Volkswagen.be. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Infos et guides gratuits sur testament.be avec le support de la Loterie nationale. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15 euros à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec ce record battu pour un 13 septembre, la barre des 30 degrés est dépassée, c'est du jamais vu. Se pencher sur les oxydes de réduction en chimie, relever du défi aujourd'hui, encore plus cet après-midi dans les écoles. L'été à la rentrée, ça a du bon, mais il faut donc s'organiser hein, dans les écoles. Ce sera encore comme ça demain, petit jour, on pourra donc profiter du beau temps l'après-midi. Et de fait, il vaudra mieux en profiter parce que ça pourrait ne pas continuer durer, comme on dit chez nous. En parlant d'école, ce 13 septembre, c'était la rentrée à Amatrice, ce village totalement détruit dans le centre de l'Italie. 20 jours après le tremblement de terre, les enfants, ceux qui ont survécu, ont repris le chemin de l'école. Valérie Dupont a assisté à cette rentrée. On en reparle dans le journal de 18h de Justine Hermans. Et puis ce soir, c'est aussi le retour des stars du ballon rond sur les terrains de foot avec le début de la phase des groupes pour la Ligue des Champions. 8 premières rencontres ce soir. Les Belges joueront demain, Bruges contre Leicester. Ce soir déjà, il y a du lourd et pas mal de Belges, notamment un duel intéressant. Hein. Kevin De Bruyne à Manchester face à Thorgan Hazard du Borussia Mönchengladbach. On en reparlera aussi dans le journal des sports, après le journal de 18h. Merci Manu. Retour de l'info donc dans une petite trentaine de minutes. La météo, c'est tout de suite avec vous Dominique. Et encore de la douceur pour la nuit même. 15 à 20 degrés et puis demain, de la chaleur à nouveau, 27 à 32 degrés. Ceci dit, on notera des nuages du côté de la frontière française et à partir de jeudi, on surveillera une zone de pluie et d'orage qui va remonter de la France, qui pourrait nous atteindre en soirée ou dans la nuit de jeudi à vendredi. Et on va perdre déjà quelques degrés avec des maxima de 24 à 29 degrés, ce qui reste quand même assez élevé pour un mois de septembre. Notez que vendredi, là, on va changer de masse d'air et on aura une alternance d'averses et d'éclaircies et des maxima compris entre 19 et 22 degrés. Et sur les routes, comment ça se passe? On va le savoir tout de suite grâce à Pierre Collard-Bovis et le RTBF Mobile Info. J'essaierai de vous dire tout sans présence de mon avocat. Bien, sur le ring de Bruxelles, quelques ralentissements. 21 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand-Billard. Plus 20 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour-Léonard. Plus 16 minutes pour l'intérieur Grand-Billard Zaventem. Et plus 13 minutes pour l'extérieur Carrefour-Léonard Zaventem. Les autres tronçons connaissent une circulation dense, mais assez très très habituelle. Alors, un camion est en panne toujours sur le 411 Bruxelles-Namur à hauteur de Jésus-Seig. C'est la voie de droite qui est neutralisée dans la bretelle de sortie en direction de Namur. Quelques ralentissements dans le chantier entre Arken et Feluy sur le 19 Mons-Bruxelles. C'est vers Mons que vous perdez une bonne dizaine de minutes. Des ralentissements conséquents sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles dans le fameux chantier de Schratt. Vers Bruxelles, vous perdez une dizaine de minutes. Et vers l'Allemagne, entre Allure et Schratt, vous en perdez pratiquement 55. Notez que l'accident signalé tout à l'heure sur le 314 de Louvain-Massmechelen s'est terminé à hauteur d'Autalen. La chaussée est dégagée, mais vous perdez encore une petite heure en direction de Massmechelen. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7. On va pas se mentir, il fait beau, il fait très chaud, on vous l'a dit, ça va même durer. Et si vous alliez faire un petit tour du coup au jardin d'Annevois, ça peut être sympa. J'ai des places à vous offrir, 4 entrées pour vous. Ça c'est quand même la balade idéale en famille, puisque on en reparlera dans quelques minutes à la mer, baignade pas tout à fait autorisée, voire interdite, on y revient dans un instant. Mais donc balade dans les jardins d'Annevois, là il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. 4 entrées donc grâce au beau vélo de Ravel à 365.be et à Ciné-Télé-Revue, ça se gagne maintenant. Il suffit de m'envoyer Ravel, R-A-V-E-L au 6003 pour 75 centimes le message. Bonne chance à vous. On parle de sport dans quelques secondes. Championnat d'Europe de baseball, ça se passe aux Pays-Bas et la Belgique y est. Donc la Belgique a une équipe nationale de baseball. On y revient dans un instant. On voyagera aussi avec Bézac Arthur. Il était venu nous dire qu'il avait un projet fou, partir, faire le tour du monde et essayer d'avoir des influences, des artistes dans le monde entier qui participent à l'enregistrement de son album. Ben, il part dans quelques jours, juste avant le départ, donc il sera avec nous tout à l'heure. Il y aura donc l'image du jour et on s'intéressera aussi au Muséum des sciences naturelles que vous allez pouvoir bientôt visiter sans bouger de chez vous. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La réponse dans quelques minutes. Et à propos de réponse, il y a une question cet après-midi, le papier toilette aux toilettes, forcément, vous le mettez de façon à ce qu'il se déroule vers le mur ou vers les toilettes? Parce qu'il y a un gros débat là-dessus, tout le monde n'est pas forcément d'accord. J'essaie d'avoir la réponse officielle avant la fin de cette émission. Là, on va déjà aller chez Gérald qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Gérald. Oui, bonsoir Cyril. Bienvenue, vous êtes à Banneux, Gérald. La journée a été bonne? Très bonne. Bon, bah parfait. Elle se termine avec une question. Le papier toilette, il se déroule de quel côté, Gérald? Vers l'intérieur. Vers l'intérieur, c'est-à-dire quoi? Vers les toilettes? Vers les toilettes, bien sûr. Ah ben voilà, moi je suis aussi de votre côté. On va voir avec Guillaume qui travaille dans cette émission. Guillaume, vers l'intérieur ou vers le mur? Vers l'intérieur, vers les toilettes. L'intérieur aussi. J'ai une sainte horreur si c'est pas vers les toilettes. Ça m'énerve. Bon ben on cherche la vraie réponse. C'est votre mission, Guillaume, avant la fin de l'émission. C'est trouver la vraie réponse. Contactez monsieur Toilette, probablement, c'est lui qui a inventé ça. 3063 par SMS si vous avez une idée. Et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Gérald, merci d'avoir participé et répondu à cette question existentielle. Grâce à vous, on avance. Je vous souhaite une bonne soirée, Gérald. À bientôt. À vous aussi, merci. À bientôt. Au revoir, Gérald. Au revoir, oui. 3063, si vous avez une idée, si vous avez un avis, parce que peut-être que vous en foutez aussi, vous me le dites, il n'y a pas de problème. On fait une toute petite pause et puis David Bertrand nous parle de sport dans quelques instants. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur fif.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeux pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeux Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. À Bruxelles, vous entendez parler de nombreuses langues. Hi. Guten Tag. Hola. Bonjour. Dans les situations les plus diverses. Hey. Oh yeah. Alors. Hey. Au Bruxelles Education Center, trouvez le cours de langue qui vous convient le mieux. Super. Bruxelles Education Center, des langues sans frontières. 17h-19h. 5 à 7. Viva. Sur Vivacité. Tous les soirs dans le 5 à 7, on parle de sport. C'est David Bertrand qui est là ce soir. Bonsoir David. Salut Cyril. On va parler de baseball avec vous parce que c'est les championnats d'Europe de baseball en ce moment. Ça se déroule aux Pays-Bas. Oui, exactement. Mais je ne vais pas tellement vous parler des championnats eux-mêmes. J'ai surtout envie de parler de l'équipe belge de baseball. Bah, et comme toutes les équipes, ouais, c'est déjà ça. Elle a un surnom. Vous savez que c'est un peu la mode dans les sports collectifs avec le hockey, le basket, etc. Est-ce que vous connaissez le surnom de cette équipe de baseball, l'équipe nationale belge donc? Les Libellules. Non, ça commence par un Red, évidemment, Red. Comme les Red Devils, les Red Lions, les Red je sais plus quoi. Et je vous préviens, hein, ça ne sert à rien de chercher sur Wikipédia, il n'y a Red pas Bull. Cette information non plus. Pourtant, ça pourrait, ça donne des ailes, mais c'est les Red Hawks, les Faucons Rouges. Et le baseball, vous le savez, hein, ça ne se joue pas avec une raquette de tennis, comme on le faisait parfois à l'école, sinon bah, ça s'appellerait du tennis, tout simplement. Mais le baseball, ça se joue avec une batte qui pèse un petit kilo. Les battes de baseball ne servent pas uniquement dans les bagarres, Cyril, ça sert aussi à faire du sport. Pourquoi vous dites ça? Et sachez que quand on lance une balle de baseball avec une batte qui pèse donc 1 kilo, elle part parfois à plus de 100 miles à l'heure. C'est donc plus de 160 km/h. Ah ouais. Imaginez-vous donc. Ah bah c'est rapide, si on prend ça dans la face, ça fait mal. Tout le monde n'est pas aussi doué avec une batte en main, j'imagine. Ben non, certains maîtrisent mieux la batte que d'autres. Hein. On pense à quelques grands noms comme Hank Greenberg ou Barry Bonds. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a été élu meilleur joueur de la MLB, la Ligue américaine, à 7 reprises déjà. Champion, il y a aussi ouais. Joey DiMaggio qui s'est marié à l'époque à Marilyn Monroe, on s'en souvient. À Alex Rodriguez aussi, la star des Yankees de New York, ou encore à Robinson Cano qui joue lui aux Mariners de Seattle. Ces joueurs maîtrisent donc les battes de baseball, heureusement c'est leur métier. Mais savez-vous ces battes, en quoi elles sont faites, Cyril, en quoi elles sont fabriquées? Bah c'est, je sais pas, il y en a en alu ou en bois? Ouais, elles sont en bois ou en liège, ce qui va nous permettre de parler à nouveau des Red Hawks. Parce qu'il y a une équipe à Liège, jeu de mots. Les Red Hawks qui font partie des meilleures équipes européennes, hein, en tous les cas qui ont fait partie, parce que depuis 20 ans, les résultats ne sont plus aussi bons qu'ils ont été avant ça. Les Belges ont quand même terminé 9 fois sur le podium des championnats d'Europe, dont une fois sur la plus haute marche. L'équipe nationale belge a donc été championne d'Europe, c'était en 1967. Ah bah ça ne nous rajeunit pas tout ça, bon David. Le baseball, c'est pas un sport olympique? Alors non, en tous les cas, c'était pas un sport olympique ici entre 92 et 2008. Pas plus qu'à Rio il y a quelques semaines, mais il le sera à Tokyo en 2020, dans 4 ans. Et ça tombe bien qu'il revienne au Japon parce que le sport est extrêmement populaire là-bas. Ah bon ? Il ne faut pas croire que le baseball n'est développé qu'aux États-Unis. Oui, c'est vraiment très populaire au Japon et c'est d'ailleurs pour ça que les organisateurs des Jeux de Tokyo ont fait du lobbying auprès du CIO pour que le sport soit réintégré au programme olympique. Est-ce qu'on a une chance d'avoir une médaille là-bas? Bah écoutez, pas vraiment, même si on se débrouille sur la scène européenne. La Belgique est actuellement 31e au classement mondial. Les médailles devraient plutôt revenir aux grandes nations du baseball, en l'occurrence le Japon, on vient d'en parler, les États-Unis inévitablement, et puis Cuba, où là aussi il y a un vivier de joueurs, d'ailleurs il y a beaucoup de joueurs cubains qui jouent aux États-Unis, et pour la Belgique ça sera donc un peu plus compliqué. Pourquoi? Ben, parce que le nombre d'adhérents fait que c'est difficile d'avoir du très haut niveau, hein. Il n'y a que 712 joueurs de baseball en Wallonie répertoriés actuellement, largement moins que dans bien d'autres de sports collectifs, mais les championnats d'Europe qui se déroulent en ce moment vont peut-être, on ne sait jamais, hein, c'est souvent le cas de faire naître des vocations. Et si c'est le cas, il y a plusieurs clubs qui accueillent des joueurs un peu partout en Belgique, à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve, à Liège, à Serein. Par contre, en jouant en Belgique, si vous avez envie de placer votre enfant au baseball, Cyril, sachez qu'il y a peu de chances qu'il devienne multimillionnaire, hein, comme c'est le cas aux États-Unis où là, les salaires sont absolument faramineux. Rodriguez, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, le baseball lui a déjà rapporté 275 millions de dollars, en tous les cas, sur son dernier contrat de 10 ans qu'il a signé. Ouais, c'est quand même quelque chose, mais c'est évidemment hyper populaire, hein, aux États-Unis. Vous êtes déjà allé là-bas, vous zappez un peu sur n'importe quelle chaîne, on diffuse aussi bien de la NBA que du baseball ou que de la NFL. Et sachez que c'est tellement populaire aux États-Unis que nous, on a plutôt tendance à collectionner les vignettes Panini avant les grands championnats de foot, avant les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe, enfin les championnats d'Europe. Et là-bas, sachez qu'on achète plutôt des trading cards qui représentent donc des joueurs de baseball plutôt que des joueurs de foot. Au départ, c'était vraiment un objet publicitaire qui était distribué par les industriels du tabac. Et aujourd'hui, c'est vraiment des objets de collection qui font l'objet, c'est le cas de le dire, de beaucoup d'échanges, de bourses, etc. Et sachez que la carte Donus Wagner, qui est considérée comme un des meilleurs joueurs de tous les temps, a récemment été vendue aux enchères pour 2 350 000 dollars. Je vais y arriver. Plus de 2 millions de dollars pour une petite carte c'est de collection. Oui, vous imaginez, si vous la collez de travers en plus dans votre album, il faut trouver une deuxième. C'est de l'investissement déjà. Ah bah effectivement, mais merci beaucoup David pour toutes ces infos. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal des sports. Il est 17h43. 5 5 à 7. Vivacité. Sous le ciel du Nord, je m'envole, je m'envole. Ah, cette voix, vous la connaissez, Bessac Arthur, et il va partir dans quelques jours faire un tour du monde musical. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Bah, ça va bien, et vous? Très bien, là, un peu dans le rush des préparatifs. La valise est prête? Non, pas du tout. Vous partez quand exactement? C'est demain? Ouais, c'est ça, je pars demain matin pour le Canada, et puis après ça se poursuit vers le Mexique, Taïwan et Burkina Faso. Ah bah, il est temps de préparer la valise. Rappelez un peu le projet, l'idée de faire ce tour du monde musical. En fait, c'est un projet que j'ai mis en place après mon premier album, où là j'avais récolté des chansons sur la route, j'avais écrit des chansons en voyageant, en rencontrant des gens. Et ici, l'idée, c'était d'aller rencontrer des artistes eux-mêmes dans différents pays, ramener des sons et pouvoir revenir avec un album métissé, des vidéos aussi, des expériences, tout ça, partagées avec les personnes pendant le voyage. Pendant votre voyage, on vous aura régulièrement à l'antenne dans le 5 à 7 et dans la Grande Évasion pour faire un tour, justement, pour faire un point sur ce voyage complètement fou. C'est les sonorités que vous aurez pu ramener. Mais dans votre valise, quand vous partez pour un tour du monde comme ça, vous mettez quoi? Même si elle n'est pas encore prête, vous avez imaginé mettre quoi à l'intérieur? Mais pour le moment, sur mon lit, je crois que je dois avoir quelques médicaments qu'on m'a donné pour l'Afrique. Il faut absolument prendre des trucs pour la malaria. C'est tout ce que j'ai. Je sais pas, je vais prendre, à mon avis, peut-être juste deux t-shirts, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pays où on peut acheter des vêtements sur place. Alors, est-ce que vous allez faire votre shopping? Ouais, c'est pas bête. Mais j'ai beaucoup de matériel à prendre pour enregistrer, voilà, un ordinateur, des micros et tout ça. Et c'est ça qui va prendre, je pense, le plus de place dans la valise, là. Ah, parce qu'en plus, ouais, vous n'allez pas à chaque fois dans des studios chez les gens, c'est vous qui amenez tout directement. Mais pour certaines, au Canada, par exemple, je vais chez un aussi auteur-compositeur comme moi et producteur qui, lui, a son studio, donc là, j'aurais pas besoin. Mais en Afrique, par contre, là, ça sera, je serai au milieu de nulle part avec un musicien traditionnel, et donc là, ça sera, voilà, avec mon ordinateur, mon micro et ce que j'amène pour enregistrer. Il y a un truc qui vous fait peur avant de partir? Moi, c'est plutôt les avions, les aéroports et ces trucs-là. C'est embêtant pour un tour du monde. Vous allez le prendre quelques fois, quoi. Je vais le prendre quelques fois, malheureusement. Ça va aller? Vous avez un truc pour vous détendre? La musique, hein, ouais, j'écoute beaucoup de musique. J'ai toujours de la musique en tête, donc ça mérite de rassurer. Ah bah, ça aide. Effectivement, retour prévu dans combien de temps, alors? Dans 3 mois, en fait. On revient donc mi-décembre, ouais. Eh ben, on suivra cette aventure avec vous. Et une fois que vous aurez terminé le voyage, l'album, il faudra attendre combien de temps pour l'avoir? Je pense que je vais prendre le temps pour le faire. Je vais d'abord, il y aura déjà des surprises, des titres qui vont sortir assez tôt dans l'année, j'en dirai pas plus, mais en 2017. Et puis l'album, lui, ce sera à mon avis une petite année encore d'attente, quoi. Eh ben, on attendra, parce que ça vaudra le coup, ça j'en suis sûr. Et pour vous suivre, non seulement on vous aura au téléphone toutes les semaines dans le 5 à 7, mais il y a un site internet aussi, untourdumondeenmusique.com. C'est là qu'on retrouvera toutes vos infos. Et vous mettrez déjà des petits extraits, on pourra entendre ce que vous enregistrez quand même. Ouais, il y aura des extraits, des vidéos aussi avec les artistes. Il y aura des petits teasers, comme on dit, ouais. Eh ben, on a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup et bon voyage. Ben, merci beaucoup, Cyril, et j'espère à très bientôt. Eh ben, à très vite dans le 5 à 7, c'est promis, une fois par semaine, vous serez avec nous. Il est 17h47. On va faire une toute petite pause, ce sera très rapide, vous inquiétez pas. Et puis juste après, c'est l'image du jour qui arrive. On reviendra sur l'interdiction de baignade sur la côte belge, alors qu'il fait super bon en ce moment. Et puis, le cactus de Jérôme de Warzé. On a encore beaucoup de choses à faire jusqu'à 19h, entre autres des cadeaux à gagner. Je vous rappelle que j'ai 4 entrées pour vous, pour aller au jardin d'Annevoix. Ça va être sympa comme visite à faire. En plus, il fait beau, on va pouvoir bien en profiter. C'est un bien beau jardin. 4 entrées pour vous si vous envoyez Ravel maintenant par SMS au 6003 pour 75 centimes. Le message, bonne chance. Dayway Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles à Meis et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meis et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. Dayway Car Center. Tu as remarqué? Plus les journées raccourcissent, plus les nouvelles collections automne augmentent. Toi, tu es passé chez Espace Mode. Et je compte bien y retourner avec toi. Stop aux automnes moroses. Espace Mode présente toutes les nouveautés de la saison dans les marques les plus tendances. Sweat, jupe, pull, pour toute la famille et pour tous les goûts. Espace Mode sera ouvert ce dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Péroué et à Genval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Cette semaine dans Moustique, dossier spécial Caterpillar. Check-up économique de nos régions. Sont-elles condamnées ou en croissance? Les aides et cadeaux fiscaux aux entreprises. Le vrai et le faux. L'actu décodé, le meilleur de la culture, des tendances et de la télé, c'est dans Moustique. Les dos qui piquent. Abonnez-vous maintenant et profitez de notre offre spéciale. Un an pour 79 euros seulement sur moustique.be/rentrée. Les souvenirs de vos vacances s'effacent, la pression vous gagne peu à peu. Lâchez tout et venez vous évader à l'hippodrome de Wallonie. Originalité, spectacle et émotions seront au rendez-vous ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'occasion des finales du Derby. Au programme, courses de qualité, bar à cocktails, show équestre et animation gratuite pour les enfants. N'hésitez plus et rendez-nous visite ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'hippodrome de Wallonie. 4 euros l'entrée, gratuit pour les moins de 16 ans. Hippodrome de Wallonie. 31 route de Wallonie, Aglin ou sur hippodromedewallonie.be. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Vivacité. S'exposer, oui, se baigner, peut-être pas. On va en parler tout de suite avec Nicolas Gillard, c'est l'image du jour. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cyril. Alors, l'image du jour, c'est justement en rapport avec notre côte belge. Effectivement, on comprend la frustration des vacanciers de septembre. Ils ont beaucoup de chance, il fait beau à la mer, ils peuvent profiter de la plage. Et c'est pas gagné. Et voilà qu'ils se voient interdits de baignade sous peine d'amende. Car oui, celui qui enfreint l'interdiction se verra puni normalement. Hein. C'est dans les faits d'une amende de 250 euros à un PV. Ça fait cher le bain de mer. Du coup, on risque d'avoir une concentration des baigneurs dans trois communes qui autorisent encore la baignade, parce qu'il en reste trois. Il y a Coxide qui autorise, Blankenberg et Knokk aussi, mais selon des carcans très serrés. Les autres plages, Ostende, mais aussi Le Coq, Nieuport ou La Panne, pour ne citer qu'elles, qui sont pourtant des plages très francophones, c'est terminé jusqu'au retour des beaux jours. Alors justement, hier, on en parlait avec M. Lippens, le bourgmestre de Knokk. On va revenir sur cette interdiction. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas pouvoir se baigner alors qu'il fait super beau? Mais déjà, il y a un problème très pratique en fait. Il concerne les maîtres nageurs, ce sont souvent des étudiants, hein, vous le savez. C'est un job pour eux, un job d'été. Et à la fin de l'été, ils sont tous partis à leurs chères études. Et la plupart des contrats se terminent. D'ailleurs, ils ne peuvent plus travailler comme maîtres nageurs une fois la saison passée. Et puis tout le matériel aussi dont ils disposent pour être efficaces, tout ce qui est canot de sauvetage notamment, est déjà stocké. C'est notamment très souvent ce qui arrive. Et puis pour être plus terre à terre encore, un maître nageur, ça coûte pas mal de sous aux communes. Ça a même un énorme impact budgétaire. Il y a une estimation du coût qui a été faite. Rien que pour les seuls mois de juillet et d'août, c'est 3 millions d'euros pour payer rien que les sauveteurs des mers. Et donc là, en septembre, il n'y a pas assez de touristes, donc pas assez rentable. Ça va être bizarre. Donc, il y a des villes où on peut se baigner, d'autres où on ne peut pas. Il n'y a pas moyen de se mettre d'accord. En fait, les bourgmestres des communes côtières, figurez-vous, forment une sorte d'association. Ils se sont vus au printemps pour se mettre d'accord. Et ils ont dit, ok, on fera du cas par cas. Chaque commune peut décider si elle maintient des sauveteurs ou pas. D'accord. En cas de mois de septembre qui vaut la peine côté météo. Mais aujourd'hui, là, les bourgmestres sont conscients du manque de clarté, finalement, de leurs décisions prises des mois plus tôt. En gros, il y en a qui disent, comme le bourgmestre de Brédeneux, par exemple, il dit, la baignade, ça doit être partout ou nulle part. Bon, ils tenteront sans doute d'être un peu plus clairs lors d'une prochaine réunion des bourgmestres de la côte. Ils se reverront bien. Prochain, voilà. Sans doute. Ça crée des tensions d'ailleurs. Ouais, on se tire un peu dans les pattes, c'est vrai. Depuis qu'on sait qu'à Knokk, par exemple, les maîtres de nageurs en office étaient planifiés jusqu'au 20 septembre. À Knokk, on parle d'un service indispensable pour les résidents et les touristes. Mais évidemment, vu le coût, ça grince un peu des dents. Et pas mal de communes disent qu'elles ne peuvent tout simplement pas supporter ce coût. Contrairement, donc, où là on peut se le permettre, hein, sous-entendu la très chic station balnéaire. Donc effectivement, ce problème de sauveteurs crée quelques tensions entre les communes du bord de mer. Alors, ce qui est original, c'est que hier, on en parlait justement avec Léopold Lippens, qui est le bourgmestre de Knokk. Et alors, je pense que lui-même n'était pas au courant qu'à Knokk, on pourrait se baigner ce week-end, puisque hier, il nous disait qu'en gros, on pouvait aller dans l'eau, mais on ne pourra pas nager parce qu'il n'avait pas le budget. Lui-même n'est pas au courant des décisions qu'il a prises. Aujourd'hui, apparemment, il a été mis au courant. En tout cas, lui, il dit, il y a une chose qui est sûre, on ne peut pas interdire le fait de barboter. C'est ça, si vous allez, c'est quelle que soit la commune. Voilà, mettre vos pieds dans l'eau et vous allez jusque on va dire, jusqu'au genou. Personne ne vous interdira et vous n'aurez pas les 250 euros d'amende, évidemment. Ce qui est plus corsé, c'est évidemment de s'aventurer en haute mer, on va dire. Et en même temps, sur la plage, comment on fait si on n'a pas et d'argent et de carte d'identité, tout ça? On fait comment pour savoir qui on est? La police, elle ne peut pas nous mettre un PV comme ça. Voilà, effectivement, vous prenez le Custax et vous retournez le plus vite possible vers, vers vos appartements, par exemple. Vous dites, c'est sur Nicolas Gillard qui l'a dit, si jamais il y a un problème. Merci beaucoup, on vous retrouve demain pour une nouvelle image du jour et puis tout à l'heure dans le 15 minutes sur la 2. Bonne soirée, Nicolas. À demain, merci. Il est l'heure de retrouver le cactus tout de suite. C'est Jérôme de Warzé, c'était ce matin dans le 8-9. Jérôme, et vous revenez sur cette déclaration de Jean-Claude Marcourt qui demande avec force aux banques d'aider les travailleurs de Caterpillar. Mais ah, je croyais que ça allait faire rire d'emblée pour une fois, non. Parfaitement, Benjamin, bonjour. Rundinsdag à le mâle, à le femelle. Jean-Claude Marcourt, le ministre wallon de l'économie. Il y a des gageures. Ministre wallon de l'économie, c'est ce qu'on appelle un rôle à contre-emploi, souhaite dans cette affaire que les banques fassent preuve, je cite, de souplesse. Qu'elles aident les travailleurs à acquérir une bonne pérennité de leur situation financière, qu'elles jouent un rôle citoyen. Les banques. Monsieur Marcourt, que vous ne connaissiez pas bien les banques alors que vous êtes ministre de l'économie, pas ça encore. Jacqueline Galland était bien en charge de la mobilité, RTL a les droits du foot, bon, j'ai dit bon. Mais fixez-vous des objectifs crédibles et raisonnables, vous aurez plus de chances d'aboutir dans un projet si vous demandiez aux sympathisants de Daesh de se convertir au christianisme, sincèrement. Non mais attendez, une banque citoyenne, et pourquoi pas une centrale nucléaire écologique tant qu'on y est. Avec ce qu'une banque nous coûte maintenant en frais de fonctionnement, vous devez d'office rallonger votre crédit hypothécaire sur 15 ans afin de pouvoir tout rembourser. Techniquement, pour 97% de la population, une banque, c'est juste un endroit qui vous permet d'entreposer le peu d'argent que vous gagnez avant de le reverser au fisc. Donc c'est un frigo. C'est un frigo qui accueille des denrées achetées chères auxquelles vous n'avez pas le droit de toucher et qui pourrissent avant d'être jetées à la poubelle. C'est une banque. Et alors qu'espérer de ses employés? Bon, la dernière fois que je me suis rendu dans une banque, j'ai tellement eu l'impression d'importuner ceux qui se postaient derrière le guichet que je leur ai glissé un billet de 20 euros pour m'excuser du dérangement. Alors, franchement, monsieur Marcourt, mais si une banque ne prête qu'aux riches, mais vous prêtez à rire, hein, excusez-moi. Bon alors, merci Wikipédia, j'ai un peu compris, Jean-Claude Marcourt est né un 16 octobre, comme Marc Lévy et Christophe Maé. Donc, c'est quand même pour vous dire... Si au niveau de la romance et du concept « Je suis fleur bleue, j'aime les étoiles dans le ciel du bonheur et les scorpions », certainement un fond sympathique, viens fumer Jean-Claude, on va courir nu sur la plage et demander aux traders d'être humanistes. Jean-Claude Marcourt insiste aussi sur le fait que les banques doivent bien connaître la situation des travailleurs de Caterpillar avant de les rencontrer. Je pense que ça va être facile pour les banquiers face aux travailleurs. Hein. Bonjour monsieur. Vous êtes vraiment dans la merde. Au revoir, monsieur. Suivant ! Le banquier qui l'accueille en lui disant « Et qu'est-ce qui vous amène ? Alors, on veut s'offrir un petit plaisir, une voiture de sport, une machine industrielle à bas prix ?» Ben, tu démontes l'édifice directement. Alors franchement, monsieur Marcourt, discuter avec un banquier, c'est comme placer son argent sur un livret vert. Au niveau de l'intérêt, c'est nul. Un banquier va vous prêter de l'argent pour acheter du matériel de ski, mais dès qu'il commencera à neiger, vous le reprendrez, votre forfait semainier avec. C'est l'époque qui veut ça, c'est l'Eid el-Kébir, les moutons sont toujours dépecés. Bon, je me doute bien que les solutions ne se ramassent pas à la tractopelle, mais ne demandez pas à une banque d'être citoyenne. Enfin, ça fera rire le PDG de Caterpillar, qui débarque à Namur mercredi prochain. La veille des fêtes de Wallonie, ça tombe bien. Certains de nos responsables sont tellement couillons que s'ils sortaient de l'Élysée en chantant dans la petite gaïole, ils seront encore capables de l'octroyer les avantages fiscaux supplémentaires pour rentrer, dites donc. Le type a profité pendant 10 ans pour sa société d'un taux d'imposition tellement ridicule que si nous, nous réclamions le même à l'État, l'État sera encore légalement à même d'appeler la police pour nous faire embarquer. Donc, monsieur Marcourt à la niche fiscale. Vous écoutez le 5 à 7 sur UA Cité, c'est loin d'être terminé parce que bon, sinon on aurait appelé ça l'émission 5 à 6. Et comme c'est 5 à 7, on a encore une bonne heure devant nous. On va s'intéresser tout à l'heure au Muséum des sciences naturelles qui se visite désormais en ligne. Vous pourrez visiter sans bouger de chez vous. Un nouveau concept dont on parle dans quelques minutes dans cette émission. Vous allez repartir aussi avec des cadeaux grâce au beau vélo de Ravel, 365.be et Ciné Télé-Revue. 4 entrées vous attendent pour aller vous promener dans les jardins d'Annevoix. En plus, on annonce un week-end plutôt pas mauvais. Donc n'hésitez pas. 60.03 par SMS pour vous inscrire. C'est 75 centimes le message. Et vous envoyez simplement le code RAVEL. R-A-V-E-L. Il est l'heure à 17h57 de faire un petit point sur la météo. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Va-t-il faire, Dominique? Est-ce que vous pouvez tout nous dire? Il va faire chaud encore demain, 27 à 30 degrés. Donc il faudra encore prendre ses précautions. Petit t-shirt et bouteille d'eau à proximité. Ceci dit, des nuages seront présents. Ils seront signalés du côté de la frontière française. Notez qu'à partir de jeudi, on va surveiller une zone de pluie pour le coup et une zone d'orage qui va toutes les deux vont remonter de la France et ça pourrait nous atteindre en soirée ou dans la nuit de jeudi à vendredi. On perdra quelques degrés, maxima 24 à 29 degrés. Vendredi, on change de masse d'air. Il fera plus frais, 19 à 22. Bon bah, ça c'est un peu plus frais, mais on verra. C'est pas pour tout de suite en tout cas. Il y a une question cet après-midi dans l'émission. Le papier toilette, quand il est fixé aux toilettes, il se déroule vers le mur ou vers l'intérieur des toilettes? Si vous avez une idée, si vous avez un avis, si vous voulez participer à ce gros débat de cet après-midi, parce que de temps en temps, il faut s'arrêter sur des vraies questions, eh ben vous me le dites par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. Il y a un message qui dit « Ah ben contente de savoir que je suis pas la seule à être pointilleuse avec le sens du rouleau de papier toilette. » Non mais c'est vrai, c'est un message qui est pas signé, mais c'est bien effectivement que des gens se rendent compte qu'il y a un sens pour le papier toilette. On verra s'il y a un vrai sens officiel avant la fin de cette émission. Bougez pas, le 5 à 7 revient juste après ça. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Vous écoutez Vivacité, vous faites bien, il est 18h. Plus de 30 degrés aujourd'hui un peu partout en Belgique. Le pic de chaleur continue demain. Il faut s'en accommoder chez soi, au boulot ou encore à l'école pour les enfants. Une institutrice d'une école liégeoise nous donnera ses bons plans pour éviter un coup de chaud. À Namur, une enseigne historique disparaît, le magasin Brisebois. Il a déposé le bilan. Il était spécialisé en photographie. La fermeture, c'est la faute notamment aux commerces en ligne. Reportage dans ce journal. Au menu du journal des sports, du football, c'est la reprise de la Ligue des Champions ce soir. Les Jeux Paralympiques aussi. Peter Gonen a offert une 4e médaille à la Belgique cet après-midi et une 3e d'or. Il a remporté le 100 mètres en fauteuil roulant. Le journal sur Vivacité avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. C'est la fin de la journée, la chaleur va retomber petit à petit, mais il a fait chaud. Aujourd'hui, le mercure a grimpé en ce 13 septembre à plus de 30 degrés, ce qui rend ce 13 septembre 2016 le plus chaud jamais enregistré. Alors que ça soit chez vous ou au boulot, il fallait faire face à la chaleur. Les écoles aussi prennent des mesures pour les élèves. Une institutrice maternelle de l'école Saint-Jean à Liège et un élève nous expliquent que les mesures prises ce matin, notamment pour les plus jeunes. C'est un petit robot qui sert à mesurer la chaleur et quand c'est rouge, c'est pour aérer la classe. On aère le plus possible de façon à rafraîchir la pièce et puis alors on ferme les tentures de façon à ce que le soleil ne rentre pas. On fait en sorte de ventiler un maximum. On donne à boire aussi dès qu'on rentre de récréation. On essaye de les tenir un maximum éloignés du soleil. Donc si on a un préau, les laisser en dessous du préau. Maintenant, c'est pas toujours évident de pouvoir leur faire comprendre que le soleil c'est chaud et qu'il vaut mieux pour eux de rester à l'ombre. Une interview réalisée par Clémence Van Egmont. Toujours en province de Liège, des écoliers ont dû cet après-midi quitter leur école à Verviers. Au total, 300 enfants ont été évacués. En cause, un sac abandonné par un individu suspect. Les faits se sont déroulés à 13h30. Selon des témoins, un homme étranger de l'école est entré dans le bâtiment. Il portait un sac. Lorsqu'il est ressorti, il n'avait plus ce sac, toujours selon les témoins. Les élèves ont alors été évacués par mesure de précaution sur le terrain de football voisin. Les parents sont ensuite venus les rechercher. Les pompiers et la police ont fouillé l'école avec un maître-chien une bonne partie de l'après-midi, mais ils n'ont rien trouvé de suspect. L'opération de recherche est terminée. À Namur, cette illustration des difficultés d'un commerce de proximité face au succès d'Internet. Le magasin Brisebois, spécialisé en photographie, a déposé le bilan au tribunal de commerce. L'enseigne historique, implantée depuis plus de 60 ans à Jambé à Namur, centre, a pourtant tenté de se diversifier pour résister au commerce en ligne. Mais ça n'a pas suffi, Laurence Laine. Non, et le volet des deux magasins Brisebois est fermé depuis samedi. Les 11 travailleurs sont en attente. C'est certainement quasiment le chemin vers la faillite. Nicolas Atou est l'administrateur délégué. Il a repris l'enseigne namuroise il y a 5 ans avec la société de son papa. Mais depuis 2011, le monde de la photo a bien changé. L'augmentation des achats en ligne. Vers 2013, on a connu vraiment un gros essor. D'appareils photo ? D'appareils photo entre autres, mais le domaine de la photo, il est vrai, est devenu difficile également avec l'avènement des smartphones qui sont maintenant capables de prendre des photos avec une qualité de plus en plus grande. Alors arrivent les premières difficultés, procédure de réorganisation judiciaire, plan de redressement fin 2015, le magasin élargit alors son offre. On s'est réorienté plus vers le service pour compenser un peu la perte de chiffre d'affaires au niveau de la vente de produits photos. Je parle entre autres des formations photo. Mais aussi en studio photo et un photo center qui propose l'impression rapide à partir de smartphone. Tout cela fonctionne, mais pas suffisant pour sauver toute la barque Brisebois. Jonathan Leceux étudie le commerce de proximité à l'UCM. Ses dégâts dans le secteur photo, il les constate et pas seulement à cause d'Internet ou des smartphones. Ça illustre aussi la concurrence accrue de grandes surfaces commerciales qui pratiquent des prix très bas. L'espoir maintenant chez Brisebois, c'est un repreneur pour au moins une partie de l'activité. Un autre secteur victime de la numérisation, notamment celui des assurances. Après AXA, l'assureur PEV vient lui aussi d'annoncer une restructuration. Il va se séparer de 300 de ses travailleurs d'ici à 2020. Il n'y aura pas de licenciement sec, la direction l'a assuré. Il y a eu un peu moins de voyageurs cet été à l'aéroport de Bruxelles, moins 4% par rapport à 2015. Plusieurs raisons expliquent cette baisse selon la direction. D'abord, une diminution des réservations de vacances des Belges vers la Turquie et au départ de Jet Airways. Ensuite, les touristes boudent la Belgique pour la visiter depuis les attentats du 22 mars. Surtout les touristes américains et asiatiques. En France, un accident mortel sur le plus gros paquebot du monde, le Harmony of the Seas. Une personne a perdu la vie, 4 autres sont blessés, 2 sont entre la vie et la mort. Les victimes sont toutes des membres de l'équipage. Elles se trouvaient à bord d'un canot de sauvetage pour un exercice de sécurité. Lorsque le canot a chuté de 10 mètres, le paquebot faisait escale dans le port de Marseille. La rentrée scolaire, c'est déjà de l'histoire ancienne pour la plupart des enfants, mais pas pour ceux d'Amatrice en Italie. Ils viennent tout juste de retrouver le chemin de l'école, 20 jours après le tremblement de terre qui a totalement détruit leur village au centre du pays. Le reportage sur place de Valérie Dupont. C'est l'heure de la rentrée des classes. La population d'Amatrice l'appelle déjà l'école du miracle, car ces bâtiments colorés sont désormais devenus le symbole de la grande solidarité italienne. La région du Trentin, dans le Nord, a envoyé 150 hommes pour la construire en un temps record. 13 jours exactement, Fabrizio Curcio, chef de la protection civile italienne. Pour chaque symbole négatif, il faut toujours opposer un symbole positif pour aider à la renaissance de cette région. Au lendemain du tremblement de terre, l'école du village en ruine était devenue le symbole du non-respect des normes de construction antisismique, une honte aux yeux des parents. L'important, c'est que nos enfants se sentent en sécurité maintenant, dans cette nouvelle école. Finalement, une école qui n'est pas faite en mauvais ciment, si vous voyez ce que je veux dire. Jamais les enseignants n'auraient imaginé retrouver leurs petits élèves aussi rapidement. La directrice de l'école n'a d'ailleurs pas ménagé ses efforts. J'ai été dans tous les camps de tente pour retrouver les enfants. Puis les plus grands m'ont aidé car ils étaient en contact avec leurs professeurs et avec leurs amis sur Facebook et les réseaux sociaux. Et donc, ils ont fait une sorte de tam-tam. Cette rentrée scolaire est un premier pas vers la normalité. Mais dans certaines classes, certains visages manquent pourtant à l'appel. Il faudra du temps pour que les enfants d'Amatrice retrouvent une totale insouciance. Et puis Cyril, parlons des pandas pour terminer ce journal. C'est chouette, ça. Vous le savez, la semaine dernière, l'Union internationale pour la conservation de la nature a décidé de retirer le panda géant de sa liste d'espèces en danger. N'allons pas trop vite, disent aujourd'hui certains spécialistes chinois, ne baissons pas la garde. Le panda reste en sursis et vulnérable au risque d'épidémie et au changement climatique. La Chine continue donc de miser sur la reproduction de pandas en captivité pour assurer sa survie. Les réintroductions d'adoption dans la nature d'animaux nés en captivité se font au compte-gouttes avec seulement 7 à 10 pandas relâchés en une décennie. Vous pourriez refaire la citation avec l'accent ? La citation. N'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Oui, n'allons pas trop vite. N'allons, ah oui. Oh comme oui. Au restaurant. Oui. Parce que c'est les Chinois qui le disent. Merci. C'est pas très sympa pour eux. Bah, on pourrait le faire avec l'accent de Liège aussi. Hein, on, ça, pourrait. On pourrait. Ça passe. Voilà, les accents, ils sont là, on les assume, on les aime bien, les accents. Merci, Justine. Il est 18h08. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. Tout de suite, que se passe-t-il ? On va le savoir grâce à Caroline Gillet. Avec l'accent liégeois ou pas ? Oh, bah, si vous voulez, oui. Allez-y. Ce sera trop facile. Parce qu'on va sur le chantier de Cherat. Sur les 40, et que ça s'appelle Bruxelles, avec des files entre Recours et Cherat, justement, avec 50 minutes supplémentaires vers l'Allemagne. On va reprendre l'accent normal sur la 602. Vous ralentissez aussi entre Anse et Angleur, 20 minutes supplémentaires en direction de Chennai, avec justement un accident qui s'est produit sur cette A602 à hauteur de Anse. Passage difficile et il y a des files en direction de Loncin. Accident aussi sur le 411 Bruxelles-Namur à la sortie du tunnel Léonard, voie centrale neutralisée. Des files là aussi en direction de Namur. On part sur le Ring, vous perdez une demi-heure encore en circulation intérieure entre Zaventem et le Carrefour Léonard. Une vingtaine de minutes supplémentaires en extérieur entre Zaventem et Grand Bigard. Ça coince aussi dans les tunnels de la Petite Ceinture et notamment vers la Basilique entre les tunnels Trône et Léopold II. Accident, on termine avec ça sur le 40 au stand Bruxelles à hauteur de Merelbeek en voie de gauche. 40 minutes supplémentaires vers Bruxelles. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vivacité, le journal des sports. C'est avec David Bertrand. Et David, avant de parler de la reprise de la Champions League ce soir, cette info qui vient de tomber, le relais 4x400, 5e à Pékin, va récupérer une place. Oui, après le relais féminin du 4x100 qui a récupéré l'or suite à la disqualification d'une athlète russe, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est cette fois au tour des garçons de gagner une place. Là aussi, suite au contrôle positif d'un athlète russe, et lui aussi, russe donc, est membre du relais 4x400. Il a été confondu suite à la réanalyse d'échantillons conservés depuis 8 ans. Les Russes sont donc officiellement disqualifiés de cette course olympique en 2008. Ils perdent donc leur médaille de bronze au profit de la Grande-Bretagne. La Belgique, emmenée à l'époque déjà par les frères Borlée, passe donc de la 5e à la 4e place. On file à Rio où la moisson des médailles se poursuit pour la Belgique. Oui, 3e médaille d'or remportée par nos athlètes aux Jeux Paralympiques cet après-midi. Cette fois, c'est Peter Gunnein sur 100 mètres en chaise qui remporte le titre suprême. Gunnein qui était déjà champion du monde et qui se parla du titre suprême sur la distance reine. Donc, un parcours atypique pour ce jeune homme privé de l'usage de ses jambes après avoir plongé dans une eau trop peu profonde et qui avait déjà participé aux Jeux Paralympiques au sein de l'équipe nationale de rugby en chaise. Depuis, il s'est reconverti dans les épreuves d'athlétisme avec beaucoup de succès. Donc, il est également champion du monde sur 400 mètres, distance sur laquelle il saignera aussi à Rio, où il visera donc le doublé. Joachim Gérard, lui, poursuit son tournoi en fauteuil. Il affronte en ce moment le japonais Shingo Kunieda, double champion olympique en titre. C'est du tennis en chaise. Un gros morceau, mais un adversaire en méforme pour le moment. Il y a quelques instants, Joachim Gérard menait 5 jeux à 2 dans le premier set. Dans ces Jeux paralympiques, on voit décidément des performances de très très haut niveau. Oui, Cyril, la preuve en athlétisme, hein, où le vainqueur d'un des 1500 mètres pour malvoyants a couru en 3 minutes 48 secondes et 29 centièmes, soit près de 2 secondes plus vite que le champion olympique valide il y a quelques semaines. L'Algérien Baka, mais aussi 3 de ses poursuivants, ont tous devancer le chrono de l'Américain Centrowitz, sacré le mois dernier en 3,50 dans une course olympique particulièrement tactique. Mais cela ne veut pas dire pour autant que Baka aurait pu s'imposer chez les valides. Écoutez à ce sujet l'avis de notre consultant athlétisme Frédéric Honneux. Il faut vraiment mettre le résultat dans une certaine perspective. Je pense pas qu'il puisse revendiquer autre chose. Les conditions de course n'ont pas du tout été les mêmes que pour les valides. C'est-à-dire que chez les valides, c'était une course tactique extrêmement lente. Ils sont passés en 2,16 ou 800, alors que chez les handisports, les moins valides, ils sont passés en 2,5 seulement. C'était beaucoup plus vite. C'est un handicap qui permet quand même de courir en somme toute très vite. Et donc, voilà, c'est pas étonnant de voir qu'ils courent extrêmement vite et le chrono des valides aux Jeux Olympiques n'est pas une donnée importante. Et pour le grand public, on a l'impression que pour gagner un titre olympique, il faut aller très vite. Or, ce n'est pas toujours le cas, la preuve. Oui, mais il faut avoir une valeur extrêmement rapide. Tu n'es pas champion olympique si tu n'as pas un record au moins en dessous des 3,34. Mais dans une course stratégique de championnat, ça se court plus lentement et ça se joue sur un énorme finish. Donc ça se gagne en 3,50, mais en ayant une valeur beaucoup plus rapide que ça, évidemment. Et précisons encore que pour s'imposer la nuit dernière, Baka a battu le record du monde en e-sport, record du monde qui est encore supérieur de 13 secondes au minima que les valides devaient réaliser pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Un petit mot du match de Joachim Gérard, dont on parlait il y a quelques instants. Il vient de remporter le premier set, 6-3, c'est 1-1 dans le deuxième. Bon, on lui souhaite bonne chance pour la suite. En football, la course à la succession du Real Madrid est ouverte. Ouais, début ce soir de la phase de poule en Ligue des Champions. 8 matchs au programme ce mardi. Un club belge engagé, le club de Bruges, qui joue demain contre les Anglais de Leicester et dont on parlera abondamment évidemment ce mercredi, et des joueurs belges aussi impliqués dans cette compétition, de nombreux Belges concernés même comme Thomas Meunier dont l'équipe du PSG affronte Arsenal ce soir, ou encore Kevin De Bruyne étincelant en championnat avec City qui affronte Mönchengladbach, où Thorgan Hazard cartonne lui aussi. Kevin De Bruyne bien plus convaincant avec les Citizens qu'avec nos Diables. Eric Libois s'est demandé pourquoi. Skips it round the corner to De Bruyne. À City, on ne l'appelle plus que King Kev depuis son arrivée l'an passé. Malgré 3 mois de blessure, De Bruyne a été décisif 32 fois en 46 matchs, 17 buts et 15 assists samedi contre United et son vieil ennemi Mourinho. Notre rouquin a livré la meilleure première mi-temps de sa carrière, car avec Guardiola, De Bruyne prend une nouvelle dimension, confirmation avec son agent Patrick de Coster. Guardiola, dans le temps où le transfert s'est réalisé, il a dit bah, « écoute, si on a moyen de le prendre, il faut le prendre ». Donc ça veut quand même dire qu'en tant que futur coach, qui fait déjà confiance aux joueurs. Car Guardiola offre à De Bruyne ce système qui manque tant chez les Diables. Il bénéficie d'espace, de liberté et de la présence à ses côtés d'un deuxième créateur comme David Silva, alors que sous Wilmot, c'était la guerre d'ego avec Hazard pour une seule place de numéro 10, le choix étant porté sur deux médians récupérateurs. De Bruyne, 1-0 Manchester City. Ce serait donc ça la raison de la moue permanente de De Bruyne en maillot noir-jaune-rouge, la raison aussi de sa chute d'efficacité, un seul assist sur les 9 récents matchs, comme entre le Hazard de Chelsea et le Hazard des Diables. Le De Bruyne à deux visages serait donc une conséquence du système. Ça tombe bien, Roberto Martinez préfère lui aussi au milieu un triangle sur pointe. De Bruyne promet donc très bientôt aux Belges une même efficacité qu'à City. City, dont le labo abrite un logiciel qui a calculé que le cerveau de De Bruyne tourne et comprend le plus vite de tous les joueurs mancuniens, parfait pour le jeu géométrique de Guardiola, basé sur les triangles et les passes répétées. Mais comme dit l'intéressé, dans sa formule désormais légendaire... Je sais pas, je m'en bats les couilles, si on gagne, c'est ça le plus important. Voilà, on ne s'en lasse évidemment pas de cette réflexion désormais entrée dans l'histoire. Chez nous, après Ferreira limogé par le Standard la semaine dernière, c'est cette fois Bob Peters qui fait les frais de l'absence de bons résultats de son équipe. L'entraîneur de Westerlo a été limogé ce matin. Après 6 journées de championnat, son équipe ne comptait qu'un seul petit point. Et puis en cyclisme, fin de carrière pour Sébastien Chavanel, le frère de Sylvain, a annoncé sur son compte Twitter qu'il mettait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Merci David pour ce journal des sports. Est-ce que vous avez un avis, vous, sur le sens du papier toilette? On en parle depuis tout à l'heure. Ah oui, oui, je suis pas d'accord avec vous, moi, c'est d'office vers le mur. Vers le mur. D'ailleurs, si un jour vous m'invitez et qu'il est dans l'autre sens chez vous, vous le retrouverez dans le bon sens le lendemain. Eh ben justement, moi je le mets dans le bon sens chez les gens, c'est-à-dire ouais, vers les toilettes. Pourquoi moi d'ailleurs, je vais toujours aux toilettes avec une visseuse ou un tournevis pour pouvoir démonter tout le truc, hein, parce que ça m'obsède. Hein. Non mais pourquoi vous mettez le papier vers le mur? Je ne sais pas, c'est des tocs, hein, ça ne s'explique pas ce genre de choses. Hein. Mais il y a une raison si vous faites ça, parce que moi il y a une raison, ça se déroule dans le sens logique. Moi j'ai raison, mais vous, pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'il y a un sens logique pour dérouler du papier toilette? Ah c'est, ce question. C'est ce qu'on essaie de savoir avant on la fin de cette émission. On fait un métier formidable, hein, on l'oublie souvent. Merci David, bonne soirée, il est 18h16. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. Alors oui, dans l'actualité aujourd'hui, il y a le Muséum des sciences naturelles qui se visite désormais en ligne. On va y revenir dans un instant. Oui, on va parler de l'actu cuisine avec Candice Cotter. On retrouvera tout à l'heure les enfants de cœur. On va retrouver Marc Touesca pour Pop Story. Mais il y a aussi cette question ce soir dans cette émission. Le papier toilette, on le déroule dans quel sens? Il y a Alexandra qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Cyril. Vous êtes de Flémal et de Flémal, vous êtes dites, il faut absolument que j'intervienne dans ce débat. Ah. Oui, j'aime bien. Alexandra, quel sens? Dans quel sens on se déroule? C'est David, David Bertrand qui a raison, c'est vers le mur ou c'est vers l'intérieur? Non, non, non, je fais comme lui. Quand je vais chez les gens qui me mettent vers le mur, je le remets dans l'autre sens. Ah ben pareil. Alors, mais vous imaginez si vous êtes dans la même soirée, David et vous, c'est-à-dire que le papier, il va changer de sens tout le temps. Hein. Pas ça, on ne veut pas être triste. Est-ce que vous avez une explication? Pourquoi est-ce que c'est dans ce sens-là? Vous vous rappelez ces affreux dérouleurs papier WC avec une tôle en inox qui vont claquer les doigts? Il y avait ça à l'école il y a longtemps. Voilà, ça, c'est ça. Et bien justement, donc moi j'ai un patron qui travaillait dans l'Oreca, très très maniaque, qui m'a appris il y a plus de 25 ans qu'on mettait le rouleau en déroulement vers l'extérieur, parce que comme ça évitait que les gens ne manipulent ce fameux clapet en inox, et ça évitait les maladies, les germes et tout le reste. Ah, pas bête du tout ça. Effectivement, voilà. Il y a un autre message qui est arrivé, alors je ne l'ai pas là sous les yeux, mais qui tout à l'heure, donc je ne sais pas dire qui l'a envoyé, mais qui parlait tout à l'heure des dessins. En disant, s'il se déroule vers le mur, on ne voit pas les dessins qui sont sur le papier. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans le bon avec vous, Alexandra. Voilà. Qui a peut-être le sens officiel vers les toilettes. Merci beaucoup, Alexandra, d'être intervenue ce soir dans le 5 à 7. Merci. Dès qu'on a une autre question, on vous appelle, Alexandra. Bisous, bonne soirée. Il est 18h08. Dans un instant, on s'intéresse donc au Muséum des sciences naturelles que vous allez pouvoir visiter sans bouger de chez vous. Je vous en parle juste après la pause. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kg de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10€ et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. Viva Bruxelles présente les Nocturnes des musées bruxellois. C'est reparti. Chaque jeudi soir jusqu'au 8 décembre, au moins 5 musées bruxellois vous ouvrent leurs portes avec un tas d'animations. Rendez-vous le jeudi 15 septembre pour le grand vernissage gratuit et le village des musées, rue américaine à Saint-Gilles. Info nocturnedesmuseesbruxellois.be. Exiger un parquet de qualité qui respecte l'environnement, c'est bien. Mais si en plus il est traité afin que vos enfants puissent jouer dessus sans subir d'émanations nocives, c'est encore mieux. Pour vous, pour votre santé, pour le respect de la planète, optez pour les parquets du monde. Les parquets du monde à Etterbeek. Pendant les Audi Days, tout est exceptionnel. Les conditions sur l'Audi Q3 sont exceptionnelles. Le sentiment de liberté qu'elle dégage est exceptionnel. Exceptionnel aussi, le système BSI. Boost de sensations irrationnelles. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q3 super équipé à partir de 31 450 euros ou 229 euros par mois en personnel lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Info et guide gratuit sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29 euros par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330 euros. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Si on parlait un peu de vieilles choses, on va parler de dinosaures, on va parler du Muséum des sciences naturelles. Ça fait rêver quand même ce genre d'image qu'on voit, le Muséum des sciences naturelles, où on l'a peut-être fait déjà, et puis vous dites, tiens, j'en tournerai bien. Vous allez pouvoir le faire en ne bougeant plus de chez vous, c'est la nouveauté. On va en parler avec Charlotte De Gueldre du Muséum des sciences naturelles. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Cyril. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Alors, j'étais un peu inquiet tout à l'heure, parce que je vois sur rtbf.be que maintenant on va pouvoir visiter le musée sans se déplacer, grâce à Google Arts & Culture. Mais alors, Ça veut dire qu'il n'y aura plus personne dans les musées, Charlotte? Mais non, pas du tout, bien sûr. Comment on a prévu des expositions, mais juste sur certaines spécimens des salles, pas tout non plus. C'est pour donner envie, c'est ça? On se balade un petit peu envie, et puis on vient. Oui, c'est ça. D'accord. Et comment ça fonctionne concrètement? Ben, vous allez sur la plateforme Google Arts and Culture, vous cherchez notre site, enfin notre page Muséum des sciences naturelles, et là ben, vous avez des expositions, vous avez nos salles en street view. Vous avez donc en street view, ça veut dire qu'on est comme si on était au milieu de la salle, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme pour le Google Street View, vous allez chercher votre itinéraire, c'est à peu près ça, à part que c'est pour la salle. Ah bah ça c'est sympa, et alors on peut zoomer, on peut regarder des détails, on peut vraiment comme si on y était. Oui, c'est incroyable, ils ont scanné ça avec en vraiment super haute résolution, on voit vraiment les spécimens très très bien. Ça veut dire que Google est venu chez vous alors? Oui, tout à fait. Vous avez vu monsieur ou madame Google? Madame Google. C'est madame Google, d'accord, bah, comme ça on sait, c'est Google au féminin. Ça va être permanent, c'est tout le temps ou bien c'est juste pendant une petite période qu'on peut voir tout ça sur internet? Non, c'est tout le temps, désormais, voilà, on a pour le moment 4 expositions, il y en aura d'autres qui vont venir au fur et à mesure, et là en tout cas vous avez toutes les salles permanentes qui ont été scannées. Donc, il y a de quoi voir, de quoi visiter. Et puis, une fois qu'on a vu comme ça sur Internet, on va voir tout ça en vrai, on va voir les autres expositions. Qui est venu frapper à la porte de qui? C'est Google qui est venu vous voir ou vous qui êtes allé voir Google? C'est Google qui est venu nous voir. Et au départ, on se dit, ah, on va peut-être pas le faire parce que justement, les gens vont pas venir ou pas? Non, parce qu'on sait que d'office, c'est un petit plus. Ça permet d'abord à des gens qui ne viendraient jamais au musée parce qu'ils habitent à l'autre bout de la planète de venir ou parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer facilement. C'est aussi, ça permet à des gens qui nous connaissent de montrer à d'autres ce que c'est que le musée et puis de donner envie de venir. Ah bah effectivement, c'est une bonne idée. Merci Charlotte d'être passée ce soir dans le 5 à 7. À très bientôt. Il est l'heure dans le 5 à 7 de passer une petite tête en cuisine. On retrouve Candice Cotter. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Je vous propose quelque chose d'assez novateur ce soir. Fini, on va parler glace, fini les boules, fini les cornets, fini les petits pots. Désormais, c'est en Rolls. En Rolls. On va déguster la glace. Avez-vous déjà la vu voiture. Ça? Non, ça c'est aussi. Non, ça c'est masculin. Non, Rolls, rouleau. Je pense qu'avant la fin de l'année, vous allez me frapper à un moment. Pas du tout, c'est pas mon genre, je suis douce comme tout. Non, donc, glace en rouleau. Mais ne continuez pas comme ça parce que ça ne va pas le faire. Alors l'idée, glace en rouleau. Il y a 3 amis français qui ont découvert lors d'un voyage en Asie du Sud-Est la congélation d'aliments sur plaques réfrigérées. Donc en gros, ça c'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'ils l'utilisent beaucoup plus que nous. De retour à Paris, ils ont adapté le projet de manière un petit peu plus européenne. Et ils ont créé en 2013 un premier stand Ice Roll. Donc en gros, rouleau glacé. Parallèlement, ils se sont formés auprès d'artisans glaciers, ils ont composé des recettes, ils ont vraiment monté un projet, mais ça a pris beaucoup d'ampleur. Et en gros, l'idée, c'est que ce fameux ice roll, c'est une manière innovante de réaliser la crème glacée sous cette forme de rouleau sur une plaque à moins 30. Donc on est vraiment dans de la glace qui fige instantanément. Donc vous avez cette préparation qui est fluide, qu'on met sur cette plaque, ça fige instantanément, il passe une raclette en dessous, et vous avez une sorte de spatule fine, et vous avez ce rouleau qui se crée, et vous dégustez votre glace dans un petit pot, 4-5 petits rouleaux les uns à côté des autres. C'est assez joli. Honnêtement, c'est très joli. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que ils ont démarré, et ça je trouve que c'est très intéressant de leur part, l'Ice Roll Family. C'est-à-dire que si vous êtes en train de chercher éventuellement une reconversion professionnelle, eux sont en demande. Donc ils sont prêts à former les gens cette technique Ice Roll. Ils sont prêts à vous donner toutes leurs recettes, ils sont prêts à vous donner tout leur marketing, à jouer pour vous pour que, voilà, au niveau de la consommation, etc., de la communication, vous soyez à l'avenant, et que vous n'ayez qu'à, en gros, investir une certaine somme, mais relativement raisonnable, pour devenir une filiale Ice Roll. Et ils sont demandeurs, eux sont français, mais ils sont demandeurs à l'international, et notamment en Belgique, plus. Bah donc peut-être bientôt un Ice Roll chez nous. Exactement. Donc c'est vraiment le truc qui est à découvrir, et si vous avez envie de faire partie de ce genre d'aventure, eux sont vraiment, vraiment demandeurs. Donc je vous donne toutes les références, www.iceroll.fr, et là-dessus, vous avez un onglet qui s'appelle Ice Roll Family, et vous avez tout le détail. C'est vraiment super bien expliqué, vous ne pouvez pas vous tromper. Et il n'y a plus qu'à, quoi. Donc si vous avez envie de ça, ça peut être pas mal et ça peut peut-être vous donner d'autres perspectives. Et puis si vous en ouvrez un, vous nous le dites et vous serez invité dans le 5 à 7. Comme et, ça, dans, on et dans Cuisine le samedi. Ah, on voilà. veut des glaces en rouleau. On veut goûter. Merci Candice. Merci, à demain.

Dites-vous en poser des questions assez c'est le gros intéressantes. Débat, c'est le gros débat de l'émission aujourd'hui. D'accord. Mmh. Écoutez, moi, ce que je trouve bien, c'est quand il y a du papier toilette. Ok, qui n'est pas toujours le cas. Je peux vous citer une toilette, la proche, où il n'y en a plus depuis... Il n'y en a plus dans le studio ? Non, pas dans le... Enfin, il y a des toilettes dans le studio ? Non, mais à côté du où studio, il n'y en a plus ? Mais... Parce que je vais le changer, je vais en mettre. Vous avez vos propres toilettes dans le studio ? Non, oh là là. Je sais pas, vous venez de me dire dans le studio. Ah, à côté, mais dites-moi, je vais aller en mettre. Oh là là. Merci Natacha. Avec des petites l'heure. Fleurs, s'il vous plaît. D'accord, je ferai ça. La météo tout de suite avec vous, Dominique. Et des températures de 15 à 20 degrés encore pour une nuit en douceur. Et puis demain, le retour de la chaleur, comme aujourd'hui, 27 à 32 degrés. On notera quand même des nuages un peu plus présents du côté de la frontière française. Et à partir du jeudi, on va surveiller ces nuages qui pourraient devenir de la pluie voire de l'orage, ça va remonter de la France et ça pourrait nous atteindre en soirée ou dans la nuit de jeudi à vendredi. On va perdre quelques degrés avec des maxima de 24 à 29 degrés quand même. Vendredi, on va changer de masse d'air, averse et éclaircie en alternance avec des maxima compris entre 19 et 22 degrés. Notez que le rafraîchissement va se poursuivre le week-end prochain. On reviendra à des valeurs normales pour la saison, 18-21 degrés samedi et 16 à 19 pour dimanche. Merci Dominique. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info tout de suite. Caroline Gillet, y a-t-il des problèmes à 18h33? Eh bien oui, toujours malheureusement, on va repartir dans le chantier de Cherat puisque vous perdez encore une quarantaine de minutes entre Recours et Cherat en direction d'Aix-la-Chapelle. Ralentissement aussi sur la 602 Longsaint-Chenay et pour cause, on a un accident en direction de Longsaint avec des files depuis Avroy-Laveu, 5 km 45 minutes supplémentaires. Dans l'autre sens, ça coince également entre Anse et Anglerve, 8 km à peu près de files en direction de Chenay. La chaussée est dégagée en revanche sur le 411 Bruxelles-Namur, peu après la sortie du tunnel Léonard. Chaussée dégagée donc, mais toujours 30 minutes supplémentaires à compter en direction de Namur. Cela a des répercussions sur votre temps parcours sur le Ring aussi. Entre Zaventem et le carrefour Léonard, vous perdez 40 minutes à peu près. En extérieur, Zaventem, Grand Bigard, 20 minutes de plus. Ailleurs, c'est redevenu plus fluide. Dans le centre-ville bruxellois, vous ralentissez toujours dans le tunnel Reyers-Montgomery vers la Cambre, entre les tunnels Trône et Léopold II vers la Basilique. Et puis chaussée libre, encore une sur le 40 Ostende Bruxelles à hauteur de Merelbeek, mais vous perdez encore une demi-heure en direction Bruxelles. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Dans un instant, dans le 5 à 7, je vais vous parler d'un appel qui a été lancé aujourd'hui par Jonathan. Jonathan, il aimerait que les mécanos du cœur existent en Belgique. Vous connaissez les maçons du cœur, on a déjà vu ça à la télé. Eh bien, sachez que les mécanos du cœur, ça existe en France, on s'y intéresse dans un instant. Avant ça, on va à Fréture chez Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Cyril. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7. Est-ce que la journée a été bonne, Christophe ? Oui, une très très bonne journée avec beaucoup de soleil. Vous avez bossé ? Oui, d'après le matin, jusqu'à 14h. Ah ben, vous faites quoi comme boulot ? Ah, je suis manager au Carrefour. Ah, et comme on est manager, on termine à 14h ou vous aviez démarré très tôt ? Je démarre plutôt tôt, oui. Ah, d'accord, c'est pour ça. Bah, Christophe, après cette belle journée de travail, vous allez repartir avec des cadeaux, vous allez repartir avec vos entrées pour aller au jardin d'Annevoix. C'est sympa là-bas, vous êtes déjà allé ? Non, jamais. Ah bah vous allez découvrir, c'est magnifique. J'ai 4 entrées pour vous, je vous les envoie très vite. Grâce au beau vélo de Ravel, 365.be et ciné-télé-revue. Profitez-en bien. C'est super, un grand merci à Vivacité. Avec merci plaisir, beaucoup. Bonne soirée Christophe, à bientôt. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Je vais vous parler de Jonathan. Jonathan, il est en médiation de dette et il a un souci avec sa voiture. Sa voiture est tombée en panne et il s'est dit, tiens, si il existait un système pour les gens qui n'ont pas les moyens, ça pourrait être plutôt pas mal. Il lance cet appel aujourd'hui dans la presse en disant, bah, si on crée les mécanos du cœur. Alors dans l'équipe, on a vu cet appel, on s'est dit, bah oui, ça peut être une bonne idée. On a déjà vu les maçons du cœur à la télé. Les mécanos du cœur, comment ça pourrait fonctionner ? Et là, on s'est rendu compte qu'à Marseille, ça existait déjà. On va en parler avec Michel Bérard, qui est président des Mécanos du Cœur, justement, à Marseille. Ça existe là-bas depuis 1998 ou 98, pour que vous compreniez, Michel. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Si je dis 98, ça passe ? Oui. Oui, ça va. Si on ne le dit jusque pas trop là, souvent. Ça va. Voilà, jusque-là, on vous comprenez. Michel, merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Comment ça fonctionne, le concept des mécanos du cœur que vous avez inventé bien avant l'émission télé, du coup ? Écoutez, c'est excessivement simple. C'est une association ouais. où les gens s'entraident à réparer leur voiture. Nous avons un garage et nous pouvons, en adhérant à l'association, bénéficier de tous les outils du garage. Et c'est un garage qui a été créé par l'association ou c'est un autre garage qui prête ? Non, non, ça a été créé par l'association. D'accord. Nous avons acquis un garage, nous le louons d'ailleurs, et dedans il y a un pont, des outils pour la mécanique automobile. Et ça fonctionne comment alors ? Parce que vous, vous parlez du fait d'être adhérent, il y a des gens qui paient des cotisations pour pouvoir tout venir ? Tout à fait, tout à fait. On paie une cotisation de 10 euros par an. Ah, c'est vraiment pas cher. C'est pas cher. Toutes les personnes, tout le monde peut venir. Et à partir de là, soit on a la capacité de s'entraider avec des copains et on a le temps. Et donc, on loue le garage pour 10 euros de l'heure. D'accord. Et on utilise tout le matériel qu'il y a dedans. Soit on n'a pas les capacités ou on n'a pas le temps. Et à ce moment-là, nous avons deux mécaniciens au garage qui peuvent faire les réparations pour des coûts tout à fait intéressants. À savoir que pour les gens qui sont aux minima sociaux, l'heure de main-d'œuvre, c'est 15 euros. Ah oui, donc on est vraiment sur des tarifs beaucoup plus bas que dans les garages de marque. Oui, puisque c'est à peu près 80 euros, 60 et 80 euros le prix de main-d'œuvre dans un garage dit normal. Quoi. Ça vous permet d'aider beaucoup de personnes sur une année ? Écoutez, nous avons à peu près chaque année 450 personnes. Comme les personnes reviennent plusieurs fois, parfois, nous faisons à peu près 600, 700 réparations dans l'année. Ah bah ça fait quand même du boulot, ça aide pas mal de gens. Vous savez si ce genre de concept, les mécanos du cœur, existe dans d'autres villes françaises ? Alors, ce qui existe, c'est sous le vocable garage solidaire. Mmh. Et il y a plusieurs garages solidaires en France. Qui chacun est original, quoi. Personne ne fonctionne exactement pareil, quoi. D'accord, bah Michel, il va falloir passer en Belgique, vous nous montrer comment ça fonctionne et puis on le crée ici, alors grâce à vous. Mais venez nous voir, ça pose aucun problème. Ah bah c'est vrai qu'en plus il fait beau chez vous à Marseille, c'est plutôt sympa à aller visiter. Je peux vous dire que là je vous écoute, je suis au soleil et je sue de la tête aux pieds. Ouais, mais aujourd'hui en Belgique, on n'est même pas jaloux parce qu'on a passé les 30 degrés. Donc, Ah oui. C'est vrai que souvent il pleut chez nous, mais en ce moment il fait plutôt beau. Merci beaucoup Michel Bérard d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Il est 18h40, c'est l'heure de retrouver Marc Touesca. Voici l'histoire de vos hits dans Pop Story. Pop Story. Pop Story. Marc Touesca. Aujourd'hui, Pop Story est consacré au duo composé d'un frère et d'une sœur et classé dans nos charts ou top planétaires. Les États-Unis ont toujours gardé une adoration sans borne pour Karen et Richard Carpenter, un duo familial découvert au sortir de l'adolescence et qui, jusqu'au décès de Karen en 83, va aligner les tubes, les disques d'or et les récompenses de toutes sortes. Tel le fan de base, le président Nixon lui-même les recevra à la Maison Blanche avec les honneurs dus à leur rang de superstar, alors que leur single « Yesterday Once More » culmine au sommet des ventes. It's yesterday once more. Vêtu de poncho en pure laine du Larzac, le cheveu en bataille est précédé d'un doux fumet de patchouli, Maxime et Catherine Le Forestier défraient la chronique du showbiz avec « Éducation sentimentale », une chanson poético-romantique que tous les apprentis guitaristes ne tarderont pas à massacrer le soir au coin du feu. Alors que Maxime chante et gratte, derrière sa sœur Catherine pousse des vocalises très haut perché. Pour toi ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux. C'est au chevet de son père dans un hôpital de Los Angeles que David Hallyday apprendra à mieux faire connaissance avec sa cadette Laura. Enfant de star, fragile et déboussolée, la jeune femme découvre ce grand frère à qui elle avouera plus tard qu'il a été dans ses moments difficiles le plus solide des soutiens. Pour conjurer les manques et l'absence et peut-être rattraper un peu de ce temps perdu, ensemble, ils enregistrent « On se fait peur, tout est dit ». On se fait peur,

Tu as remarqué? Plus les journées raccourcissent, plus les nouvelles collections automne augmentent. Toi, tu es passé chez Espace Mode. Et je compte bien y retourner avec toi. Stop aux automnes moroses. Espace Mode présente toutes les nouveautés de la saison dans les marques les plus tendances. Sweat, jupe, pull, pour toute la famille et pour tous les goûts. Espace Mode sera ouvert ce dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Péroué et à Genval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre, ce générique, c'est pas sorcier. On apprenait tout dans C'est pas sorcier. Alors, on n'a pas Fred, on n'a pas Jamy, mais on a Carlo de Pascal ce soir pour nous parler du décongelage d'aliments. Bonsoir, Carlo. Salut Cyril. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7, Carlo. Alors, toujours avec joie. Aujourd'hui, on tombe sur un site internet 7sur7.be qui nous parle d'une étude scientifique qui nous dit en gros qu'on décongèle n'importe comment nos aliments, puisqu'on a l'habitude peut-être de le faire comme on pensait correctement, c'est-à-dire on prend du congélateur, on met dans le frigo, on attend que ce soit dégelé. Et là, des scientifiques nous disent non, c'est pas du tout la bonne façon de faire. Il faut en fait mettre dans de l'eau et attendre pour que ce soit une excellente décongélation. Carlo, on est perdu. Sauvez-nous, dites-nous, expliquez-nous. Alors, effectivement, l'eau a une vertu formidable que l'air a beaucoup moins. C'est la vertu de transmettre la chaleur. Vous avez déjà remarqué, Cyril, quand vous prenez un petit bain de mer, ouais, c'est que ça transmet la chaleur ou le froid. Donc l'eau, si l'air atmosphérique est à 22 degrés, mais l'eau est aussi à 22, ça vous paraît froid. C'est vrai. Hein? Voilà, eh bien, c'est, donc on peut, effectivement, la conduction est beaucoup plus forte. Et idem, à contrario, vous pouvez rentrer dans un sauna à 90 degrés, même 95, mais je vous défie de rentrer dans une casserole d'eau bouillante pour les pâtes. J'aurais beaucoup de mal. J'aurais beaucoup de mal. Alors effectivement, si vous prenez un aliment et que vous le mettez dans un sac en plastique, hein, et pas au contact de l'eau, parce qu'il y a des tas d'aliments qui vont s'abîmer. Ah, c'est ça, oui. On le met dans un sac hermétique. Ouais. On le met dans un sac hermétique. Effectivement, la conduction d'une eau à température ambiante ou à température de frigo va effectivement probablement, je dois dire que je l'ai essayé mais pas pour grand chose, je vais vous dire après, mais donc va probablement favoriser une décongélation plus rapide. Il y a un truc par exemple que j'emploie souvent, mais il faut l'employer avec beaucoup de parcimonie, c'est que vous voyez les grosses crevettes asiatiques surgelées. Oui, oui. Alors moi je prends pas des asiatiques, je prends les Madagascar parce qu'elles sont bien meilleures. Mais souvent, quand on veut préparer un bon plat de scampi à la diable, on se retrouve à avoir oublié de décongeler les crevettes. Il suffit de les tremper dans une eau à température ambiante, pas chaude, hein, pendant quelques minutes. Et c'est pratiquement décongelé. Attention toutefois, c'est que dans cette eau, c'est aussi un bouillon de culture. Là, les crevettes, vous ne pouvez pas les emballer une par une. Il faut les mettre dans l'eau comme ça. Hein. D'accord. Et après tout, c'est jamais que leur milieu naturel, l'eau. Hein. Mais simplement, il faut le d'habitude, faire. D'habitude, elle bouge. Oui, mais il ne faut pas les laisser pendant une après-midi dans de l'eau croupie, c'est dégueulasse, et on va faire une prolifération. Au risque juste une quelques minutes. Bactérienne. Le problème de la décongélation, c'est la prolifération bactérienne éventuelle. Donc c'est pour ça qu'on dit de décongeler plutôt au frigo. C'est pour ça, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un sachet. Quand vous allez acheter dans une enseigne bien connue pour ses produits surgelés, des petits zakouski pour votre petit apéro avec la belle-mère. C'est plus compliqué, bien, voilà. Ouais. Oui, voilà. Vraiment, il faut essayer de le faire plutôt au frigo. C'est vrai que c'est un milieu beaucoup moins propice à la prolifération. Mmh. Et comme ça, vous allez... Il faut prendre le temps. Mais le problème, souvent, c'est quand on veut déjeuner, on n'a pas le temps. Bah, on oublie, ouais, on fout ça au micro-ondes. Et alors, on a en général le bord du steak cuit et l'intérieur avec un beau glaçon. Ah, c'est exactement ça. C'est, voilà. Du coup, donc, ouais, l'eau, mais de façon... dans un sac hermétique et pas trop longtemps. Dans l'autre sens, si on a le temps, Cédric, c'est que l'eau conduit beaucoup mieux le froid. Hein, si, par exemple, vous avez tout d'un coup des amis qui débarquent à l'improviste et vous voulez taper votre bouteille de mousseux à 6 euros à bouchon en plastique dans le surgélateur, vous allez mettre dans le surgélateur, ça ne va jamais rafraîchir. Ça va prendre des plombs, vous allez l'oublier, le lendemain matin, elle a explosé dans le surgé. Alors que donc, si on le met dans l'eau... Déjà vu 100 fois. Si on la met dans une eau avec des glaçons, et même le seau à glace sans eau, ça ne sert à rien. De l'eau, des glaçons, et vous mettez alors un demi-kilo de sel. Ça va provoquer une réaction, pas chimique, physique. Je ne sais jamais si c'est endothermique ou exothermique, parce que j'oublie à chaque fois. Enfin, ça refroidit. Mais la température va baisser drastiquement. Et avec la conduction de l'eau, vous rafraîchissez votre champagne Cristal Rodrer à toute vitesse. Ah bah merci Carlo pour cette astuce. Vraiment là, voilà, ce soir... Ça c'est une petite astuce, oui, effectivement, mais qui est vraiment utile. On repart beaucoup moins bête. Merci beaucoup Carlo. Juste avant que vous partiez, encore un mot sur le fait que il va y avoir un petit changement à propos de l'étiquetage de produits congelés. Hein. Ah oui, alors effectivement, pour la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui changent en matière d'étiquetage. On en a souvent parlé dans On n'est pas des pigeons. Mais quelque chose de très important, c'est que la mention décongelée sera obligatoire. Parce que vous le savez, Cyril, on ne peut pas recongeler un produit qui a été décongelé. Donc, autant le savoir. Eh ben merci, Carlo. Donc, jusqu'à la fin de l'année, on peut mourir parce que ce n'est pas obligatoire. Mais l'année prochaine, ce ne sera voilà, plus le cas. Oui, exactement. Mais donc, regardez bien les étiquettes. Beaucoup de distributeurs le mettent déjà, hein, notamment sur les fameuses crevettes qui parfois sont vendues au rayon frais décongelées, ce qui est, à mon avis, un petit non-sens. Autant les acheter surgelés. Effectivement. Merci beaucoup, Carlo. Bonne soirée. À bientôt. On retrouve tout de suite les enfants de cœur dans le 5 à 7. C'est maintenant. Les enfants de cœur. Merde. Les enfants de cœur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'initiative des chasseurs de livres. L'idée, c'est de déposer des livres quelque part dans la nature, d'indiquer sur une page Facebook où ils sont et tout le monde peut aller les chercher gratuitement. Ça marche très bien. Comme je suis assez inventif quand il faut aider les gens, je me suis dit que si ça marchait avec des livres, ça devait fonctionner avec tout. La semaine dernière, j'ai donc lancé Chasseur de femmes. On dépose sa femme quelque part. On indique sur le net où on l'a mise et tout le monde peut aller la chercher à ses risques et périls, bien sûr. Maintenant que j'ai essayé, je peux le dire, ça marche moins bien. Pourtant, je vous jure, ça partait d'un bon sentiment. Je m'étais dit qu'avec tous mes copains qui disent qu'ils veulent se débarrasser de leur femme, s'ils pouvaient faire plaisir à quelqu'un qui la prendrait en seconde main, ça leur coûterait moins cher en frais de divorce ou en achat d'outillage pour la dépecer. Pour faire un essai pas trop risqué, j'ai pris ma voisine Fernande. Comme ça, ce n'était pas trop grave si je la perdais. Lorsque je lui ai proposé d'aller promener pour qu'elle ne se doute de rien, Fernande a été très contente. Pour appâter les chasseurs, je lui ai dit de mettre sa plus belle robe. Ça a été moyen au niveau du résultat. Mais on ne peut pas faire un repas gastronomique avec des Aiki noodles. En partant, j'ai quand même vérifié si elle n'avait pas pris des petits cailloux dans sa poche pour ne pas jouer à la petite poussette. Je suis allé l'abandonner dans un parc derrière un buisson en lui disant de compter jusque 1000 et je suis rentré chez moi. Ma démarche a plus vite réussi que je ne le pensais. J'avais à peine indiqué sur Internet l'endroit où j'avais laissé Fernande, qu'on sonnait déjà à ma porte. Je ne m'y attendais pas, mais j'étais assez fier que le type qui l'avait adopté vienne me remercier. En fait, c'était Fernande elle-même. Essoufflée, elle m'a dit « J'ai fini de compter, qu'est-ce que je fais ?» Le lendemain matin... Tenace comme un morpion de témoin de Jéhovah. J'ai de nouveau embarqué Fernande. Mais tant qu'à faire de se débarrasser, j'ai pris aussi son chien Snoopy. Pour accélérer l'adoption, je les ai abandonnés, cette fois bien en vue, en les attachant avec la laisse à un bord du parc, prétextant à Fernande que comme ça, son chien ne s'enfuirait pas. Je lui ai dit de compter jusque 100 000 et j'ai réappliqué chez moi. Ça, c'est mieux passé. Le soir, Fernande n'était toujours pas revenue. Prudent, je suis quand même retourné voir si elle avait déjà été adoptée pour éviter qu'elle n'effraie les passants la nuit. Je l'ai retrouvée assez facilement. Toujours sur son banc, elle hurlait 12 423, 12 424... 12 425 au milieu d'un attroupement. En fait, c'était une vingtaine d'hommes qui se battaient pour récupérer Snoopy et laisser Fernande sur place. Trois jours plus tard, quand un policier a sonné à ma porte, j'ai eu très peur d'être accusé de proxénétisme de seconde main. Heureusement, c'était un policier lucide. J'ai juste eu un avertissement pour dépôt de déchets sur la voie publique. Les enfants de cœur seront de retour demain dans le 5 à 7 sur Radio Cité. Demain aussi, Guillaume, on démarrera l'émission avec l'explication sur le papier toilette. On n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais je vous attends demain et j'ai trouvé. Quel sens faut-il dérouler le papier toilette? La vraie raison, la vraie réponse demain pour démarrer ce 5 à 7. Scientifique. Sur la radio, dans la radio, la suite, c'est avec Philippe Jonnou, le tip-top. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cyril. Qui a dit « je baise donc je suis » Ah ben, ça pourrait être vous. Mais non, c'est pas mal. C'est Olivia Ruiz. C'est le refrain de sa nouvelle chanson. Ah, okay. C'est juste après les infos sur Viva. Ça, c'est le sens du teasing. À demain, Cyril. Salut. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordelt à Schaerbeek pour la fête des familles, à l'initiative de la commune de Schaerbeek et du gouvernement francophone bruxellois. Hyundai, c'est automiseur. Les meilleures conditions et jusqu'à 5 ans d'entretien, de garantie et d'assistance. Ils ont tout pour me plaire. Hyundai Auto Mézère, 542 chaussée de Louvain, proximité Mézère. Chez Vandenborre, ils ne disent pas seulement qu'ils adaptent leurs prix. Ils le font. Ils suivent systématiquement les prix des autres magasins. Et adaptent leurs propres prix. Pour être toujours les moins chers. Et ils sont tellement sûrs de leur coût. Qu'ils remboursent la différence si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin. Regardez sur vandenborre.be, vous y verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborre le fait. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les ingrédients. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Il est 19h. Natacha Stragé, bonsoir. Cette nouvelle station à terme pour le métro bruxellois. La STIB va étendre la ligne M3 nord-sud entre la gare du Nord et Bordet. Fabrice Gérard et Jean-Marc Viercet ont interrogé le ministre-président bruxellois Rudy Verwoerd. Bruxelles connaît depuis quelques années un boom démographique important et donc qui vient se rajouter à toute la problématique de la navette, l'absence d'alternative également à l'usage de la voiture. Et donc tout ça nécessite évidemment le développement de moyens de transport en commun plus performants et singulièrement dans les parties de Bruxelles qui sont totalement dépourvues de métro. Et donc l'idée était de prolonger dans un premier temps vers le nord et puis dans un second temps de la gare du Nord vers Uccle. Très concrètement, au niveau du calendrier, comment ça va se passer? Il n'y a pas encore de permis d'urbanisme. Non, ben non.